Baby shark, baby shark. Excusez-moi. Oui. Je veux dire, c'est bien vous, c'est Dreams? Oui. On avait dit que c'était sur les musiques Disney, le podcast? Ben, c'est Disney. Je suis pas certain. Chantez-moi une musique Disney pour voir là. Ah oui, excusez-moi, je me suis trompé. Emporté par la foule qui m'entraîne. Bon, Benji, viens là, viens là. Oui, j'arrive parce que là, Je ça fait mal comprends aux pas oreilles, que là. c'est toi qui l'as invité, qu'est-ce qu'il fait là? Bah, je sais pas en fait. J'ai cru qu'il. Déjà, j'avais un doute, il me parlait du parc Astérix dès le départ. Donc, je crois qu'il a On confondu. avait dit d'inviter Cedrims, pas Francis Lalanne là, enfin je veux dire, qu'est-ce que. Oh, pourquoi on l'a invité? Avant que cet épisode démarre, petit avertissement, ça va devenir une tradition pour cette troisième saison de DLP Podcast. Mais voilà, je tenais à vous prévenir que nous avons encore eu un petit problème d'audio sur cet épisode. Alors cette fois-ci, rien de très grave, l'épisode sera diffusé dans son entièreté. Tout est compréhensible, il n'y a pas de souci. C'est simplement que j'ai dû utiliser la piste audio de secours, donc en fait l'enregistrement de la conversation Skype qu'on a eu pour enregistrer le podcast et non pas les pistes audio de chaque personne que j'utilise d'habitude pour pouvoir tout simplement mieux gérer les niveaux de son, ce qui fait qu'on a un fichier un peu compressé avec un son bah, qui est lui aussi un peu compressé, pas d'une qualité aussi claire que d'habitude pour les épisodes classiques de DLP Podcast. Je m'en excuse d'avance, ça ne devrait pas vous empêcher d'apprécier l'épisode qui, je le trouve, est vraiment intéressant. Vous allez voir, on va parler des musiques Disney comme vous l'avez lu dans l'introduction. Alors, bon épisode à toutes et à tous et à bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la troisième saison de DLP Podcast, toujours accompagné de Benji. Bonjour! Et donc vous commencez peut-être à le comprendre depuis le début du podcast, mais ce que j'aime le plus dans les parcs Disney, et je sais pas si c'est pareil pour toi, Benji, c'est l'immersion qu'il propose en fait. Si, c'est l'immersion musicale dès qu'on arrive déjà sur le parking jusqu'à l'intérieur du parc. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Donc dans l'immersion, une des choses qui participe grandement à ça, c'est la musique. Et on va donc y dédier un épisode. Alors le but, ce sera pas de faire une analyse vraiment détaillée de toutes les musiques du parc, mais de donner notre ressenti et de vous immerger un peu dans cet univers-là. Et pour ça, qui est-ce qu'on a amené dans ce podcast-là? Qui est notre invité du jour? C'est la Reine des Neiges, ça pourrait l'être, hein. Il a la même coupe de cheveux. Et bah, il va se présenter, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça sera Bah oui, bien. attends, on va pas l'introduire non plus, il va se Ouais. présenter. Allez, vas-y, l'autre, présente-toi. Libéré, Ah, délivré. mais c'est vraiment elle. Oh putain, j'en ai pas cru. Ah, on vous le dit, ça va être un épisode musical, hein, vraiment. Voilà. Et Donc d'ailleurs, bonjour, je m'appelle Elsa. à la voix. Tout de suite, on t'a reconnu. Il me faudrait un autographe, s'il vous plaît. Pas de soucis. Non, donc notre invité du jour, c'est Cedrims. Est-ce que j'ai bien prononcé? Exactement, Ou pseudo? exactement. Voilà, non, Oui. parce qu'il faut que vous sachiez qu'en privé, j'arrête pas de le prononcer n'importe comment et spécialement pour l'énerver, quoi. Mais juste pour vous, je le prononce bien, vous avez de la chance. Parce qu'en fait, on a le choix entre ces trois dreams ou ces three dreams. Voilà, C'est c'est nos ça. choix. Mais le Alors, vrai nom, c'est ces dreams. je croyais qu'on participait à un podcast sur les musiques Disney, pas sur mon pseudo. Eh ben, présente-toi alors si tu veux participer au podcast. Vas-y, présente-toi. Donc je m'appelle, je sais plus comment je m'appelle du coup. Cédric, je t'aide. Ouais, Cédric, oui, clairement. Cédric, oui, sous le pseudo C3 Dreams, ça s'écrit comme ça, mais ça se prononce C Dreams, Et pourquoi c'est Dreams d'ailleurs? Alors, le Parce E qu'il sait pas majuscule écrire. à l'ancienne, c'était un 3, voilà, tout Voilà. simplement. D'accord. Voilà. Et donc Dreams, c'est pour les rêves ou un truc comme ça, pour un lien Exactement. avec Disneyland. Ok. Exactement. Donc, Quelle originalité. il me semble que tu es principalement actif du coup sur Instagram et YouTube aussi, donc tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais sur les réseaux. Exactement. Bah, alors en fait, c'est à la base, c'est partager ma passion qui est sans doute la vôtre et sans doute ceux qui nous écoutent via les réseaux, donc via mon point de vue. Voilà. Donc moi, c'est beaucoup d'amusement, de partage du parc quand il est ouvert, et puis voilà, c'est partager la magie avec tout le monde, tout simplement. en toute simplicité. Bah, c'est comme nous pour les podcasts, hein, au final. De toute façon, pareil. Vous retrouverez tous les liens de C-Dreams dans la description, il n'y a pas de souci là-dessus. YouTube avec les lives, Instagram. Est-ce que tu tweets ? Je tweet non, je crois parfois. Pas. Parfois. Oh, okay. Mais du genre un tweet par mois. Quoi. 12 tweets par an. C'est ça. C'est surtout là où je suis très actif, c'est Instagram et parfois YouTube pour les lives. Voilà. Donc, à savoir que c'est un événement ce podcast, puisque c'est la première fois que Benji va participer au défi de Max et Benji. Je stresse. Voilà, donc je sais pas dans quel état d'esprit t'es par rapport à Seb. Est-ce que voilà, tu penses que tu vas le battre? Je sais pas. On verra. J'ai envie d'assister à ça, ce serait historique. Après, Sed, il fait bien le gars qui est nul, en fait. C'est ça, le truc. Oui, c'est ça. Il fait bien le gars qui est nul et je suis sûr qu'il est bon, en fait. Donc, on verra. Donc, comme on vous l'a dit, on va parler de la musique, donc en général, Disney et surtout des parcs. Et on va commencer justement par la musique des parcs en général. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le parc Disneyland. Par mesure de sécurité, nous vous demandons de vous diriger sans courir vers votre première destination. Nous vous souhaitons une agréable journée. Merci. Donc dans les parcs, on est d'abord confronté aux musiques d'ambiance, donc ce qu'on peut appeler les loops audio, les musiques de fond en fait qu'on trouve un peu dans chaque land et qui participent à l'immersion. Et donc on va avoir un peu le même déroulé pour chaque thème de ce podcast-là. Je vais vous demander en fait, et on va en discuter ensemble, tout simplement ce que vous attendez d'une musique de land, qu'est-ce qui fait, je sais pas, une bonne musique de land, voilà, quelle est la meilleure musique de land selon vous. Enfin bref, on va parler un peu de ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Benji, je te laisse parler. Merci, c'est gentil. comme on a dit tout à l'heure en introduction, c'est ce qui est bien à Disneyland, c'est l'immersion. C'est un parc à thème et l'idée d'un parc à thème, c'est qu'il t'immerge bien sûr dans les décors, qu'il t'immerge dans les attractions, mais comme tu disais aussi, une immersion musicale. Et en fait, ce qu'on peut voir à Disneyland Paris, c'est que chaque land à son propre thème musical. Complètement. C'est ce qui fait toute la saveur de ce parc-là, c'est que dans le land où tu vas, la musique te met dans l'ambiance du land. Voilà. Mmh. Et ce qui est agréable aussi, c'est qu'au-delà de la musique, c'est que tu as des fois... Alors, je crois que c'est à Aventureland où tu entends des cris d'animaux, je crois. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Donc, tu as effectivement une musique d'ambiance, mais aussi des sons d'ambiance. Et d'ailleurs, c'est personnellement ce qui me manque le plus, et avec le Covid, vu qu'on peut plus y aller et que c'est fermé, c'est quelque chose qui me manque énormément. Après, je sais pas, Ced, toi ? Ouais, en fait, j'avais envie de rebondir là-dessus, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu, quand même, pour avoir visité plusieurs autres parcs Disney, c'est un peu quand même les seuls parcs, donc Disneyland, où tu irais les yeux fermés, tu sais que tu es dans un parc d'attractions vraiment immergé, tu reconnais Disneyland. Arrives du parking à Main Street, c'est plus ou moins comment les grands classiques Disney réinterprétés d'une version musicale. Et après, dans chaque land, l'ambiance du land à proprement dit. Donc, c'est vraiment un kiff, c'est une ambiance, c'est une immersion totale, ouais, je suis d'accord avec vous. Et on ne voit nulle part, on ne voit pas ça ailleurs en fait, hein, vraiment. Après... Ce qui est agréable aussi, c'est que les musiques, elles sont certes d'ambiance, mais ils se sont pas ratés. Parce que tu parlais de loop. Mmh. Je pense que c'est l'idée que c'est la même musique, enfin les mêmes musiques. C'est ça, exemple, il va y avoir par exemple pour Main Street une heure de musique qui a été enregistrée, composée, et qui va donc se répéter au bout de l'heure de musique. Mais comme dans un parc d'attractions, on est de passage à un endroit, on reste rarement une heure posé au même endroit, ben personne ne s'en rend compte, puisque quand vous revenez à Main Street, ben vous n'avez pas la même musique qui était là il y a 5 minutes, etc. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est par exemple un très bon land avec une très bonne musique, c'est Frontierland. Mmh. Oui. Qui reprend justement tous les grands thèmes des vieux westerns qui ont été réorchestrés, etc. Donc forcément, ça parle à l'imaginaire de suite. Et... Mais même, ça parle cinéma. Parce que je sais pas vous, mais des fois, quand j'arrive, t'entends, tu sais, je crois que c'est le... C'est une des musiques du Bon, la Brute et le Truand. Ça va être oui, et en fait, t'es carrément, tu dis, je suis à Disney, puis voilà, il y a du cinéma, quoi. Ça te fait penser au film, etc. T'es vraiment immergé. T'as tout ton cerveau qui travaille. Ça va complètement avec l'architecture, les odeurs et tout. C'est vraiment un tout, en fait. Et sans ça, ce serait complètement différent et un peu vide, quelque part, je trouve. Et justement, j'allais rebondir là-dessus, c'est que Disneyland, on oublie un petit peu, mais la base de Disneyland, c'est un peu de vivre comme si on était dans un studio cinéma, comme si on vivait les films et autres. Et là, c'est vraiment, là, on est vraiment dedans, clairement. C'est le même principe de mise en scène, mais qui est décuplé à l'échelle réelle, quoi. En fait, on se sent acteur du film à laquelle on participe quelque part pendant notre visite. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que tu te prends pour Clint Eastwood, c'est ça, quand tu vas prendre ça dans le corps. Et ce qui est drôle, c'est que ça paraît naturel. En fait, on n'y pense même pas. C'est comme si c'est quand on va à Disney, je trouve que c'est on a limite l'impression que dans notre vie, il y a tout le temps de la musique dans la rue, quoi. Tellement c'est naturel, en fait, là-bas, quand tu y rentres direct. C'est ça, complètement ça. C'est ça, exactement. Et au-delà de la musique, on l'a dit tout à l'heure, c'est que tu as aussi des sons d'ambiance qui est agréable. Oui, c'est ça. Il y a sur Main Street, notamment, il y a plein de petits bruitages qui ont été placés au niveau des fenêtres, par exemple, à certains endroits. Donc, au-dessus du dentiste, à certains moments, vous pouvez entendre des bruits un peu cartoon de quelqu'un qui se fait arracher les dents, etc. Dr. Bitz, your patient is ready. Open wide. Thank you, nurse. Chisel, please. Chisel, doctor. Thank you. Et tout ça participe vraiment à un chat qui miaule, plein de choses. Oui, voilà. C'est horrible. Il y a aussi. C'est horrible. Il y a aussi l'exemple. Je sais plus si c'est Dingo ou Mickey qui fait sa toilette au-dessus du Victoria. Des fois, on entend des bruits un peu bizarres à ce niveau-là. Ah souvent. Oui, sans qu'il se brosse les dents. Et ouais, il y a des trucs comme ça. Et à la période d'Halloween, des fois, t'entends des fantômes. Ouais, c'est clair. Alors, ça, c'est vrai qu'on parle souvent des décors de Disneyland Paris qui sont très poussés, très pointilleux et tout, mais le son l'est tout autant, mais vraiment. Et là, on se rend compte si on prête un petit peu l'oreille, en fait. Et puis, la musique Disneyland, c'est ce qui parle au souvenir direct, quoi. C'est à chaque fois que tu y retournes. Quand t'entends la musique de Main Street, tu sais que t'es arrivé. Ouais c'est ça. Les musiques sont, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est assez cohérent avec le land. C'est-à-dire, t'as pas de musique futuriste à Frontierland, quoi. Aucune logique. Oui, bien sûr. T'entends les sabres laser à Frontierland, ça fait. C'est ça. C'est Cowboy versus Alien, non. Mais bon, c'est pas ça non plus, quoi. C'est toute la qualité de ce parc à thème, c'est que. Il est divisé en plusieurs landes et chaque lande a vraiment son loop attitré et qui est toujours agréable. Et à titre personnel, j'avais accompagné quelqu'un qui n'était jamais allé à Disneyland Paris et qui avait fait plusieurs parcs d'attractions et qui m'avait dit ce parc est bruyant. Il n'était pas fan de Disneyland, mais il m'avait dit c'était bruyant. Mais moi, je m'en étais jamais rendu compte. Et c'est vrai que le parc, il y a toujours du son, toujours de la musique. Oui, alors ça, oui, c'est vrai qu'il y a. Mais à aucun moment, c'est pas être péjoratif. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais t'as complètement raison. En fait, à aucun moment on est coupé de musique, même dans les files d'attente, dans les attractions, c'est constamment en fait. C'est ça, je pourrais prendre l'exemple d'Adventureland dans les endroits les plus reculés. Même s'il n'y a pas de musique réellement, il y a toujours des bruitages, des sons d'oiseaux, des machins. Il y a toujours quelque chose. Clair, c'est un sujet dont on parlera plus tard, mais même quand t'es dans les petits passages là, entre Frontierland, Adventureland, où il y a les coins fumeurs, etc., où il y a peut-être un peu moins de musique, t'entends toujours un truc qui vient d'un autre land ou même une parade qui passe, où il y a toujours du son, t'as raison. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'il est bruyant comme parc, mais bon, c'est un bruit. Oui, mais bruyant, mais pas péjoratif. Après, je sais que je suis déjà arrivé à des moments sur Main Street où il y avait des bugs au niveau de la musique, des grésillements, mais c'était ultra étrange en fait. De suite, c'est tu prends conscience qu'en fait tout est entre guillemets orchestré, etc. Et ça casse complètement le truc. Ouais, sans musique. Parfois, il y a eu des moments où il n'y avait pas de son. Oui, alors ça doit être. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est là que tu te rends compte à quel point la musique est super importante. Tu dois dire, la musique, comme tu dis, elle n'est plus là, tu dis, il y a un bug, tu vois. Il y a un problème, là. La musique, là, normalement, là. D'ailleurs, pour parler de ça, bon, alors là, on va sortir un peu de Paris, mais à Galaxy's Edge, ils ont pris le parti pris assez fort, justement, de ne pas mettre de musique dans les landes et seulement des bruits, par exemple, de vaisseaux qui passent au-dessus des visiteurs, etc. Pour renforcer l'immersion selon et faire en sorte que donner une sensation de réalité, quoi, justement. Mais, ben, alors, dans ces c'est un nouveau parti pris qu'ils ont. Ouais, mais un petit peu comme la saga Star Wars. Il n'y a pas toujours de la musique. Oui, c'est quand même vachement orchestré Star Wars, avec des thèmes qui vont avec chaque personnage, chaque lieu, etc. Moi, j'ai le souvenir que dans la saga, quand même, il y a des séquences où il n'y a que les bruitages. Ah oui, mais c'est clair, comme dans tous les films, il y a des espaces, il y a des ventres mous de musique, et c'est ce qui permet de faire du rythme. Mais... Ouais, carrément. Après, ce qui est vraiment, on va dire, ce qui rend encore plus l'immersion totale, musicale, je dis bien, c'est que les loops, on commence à les connaître au fur et à mesure. On a certaines loops en tête. On se met à fredonner, etc. Donc ah, ça c'est clair, quand même, hein, moi je les écoute parfois, celui de Discoveryland au bord de la piscine, il passe nickel. Ouais, et puis ça arrive des fois, quand tu vas à Disneyland, tu arrives dans Frontierland, tu entends le bon labrousse et le truand, tu es content, tu as la smile, c'est clair. Tu es dedans, tu, ça y est et tout. Tu vas chercher ton passe-passe à BTM, là, tu entends la musique. Et puis une petite gaufre et un café, et puis voilà, ça passe. Je sais pas la durée des loops en général dans chaque land. Généralement, c'est une heure, j'ai vérifié. Parce que dans mes souvenirs, celui qui me paraît le plus court, c'est peut-être dans Fantasyland au niveau du train de Casey Junior et compagnie. Attends, je peux peut-être te lire, hein, parce qu'en fait, tu as un site internet qui s'appelle DisneylandParisMusique.net qui reprend toutes les Disneyland-Paris-Musique.net qui te reprend toutes les musiques du parc suivant et des attractions comme des Landes. Et de ce que je vois, Fantasyland, il dure 44 minutes. Il dure, il dure 44 minutes le loop. Après, donc je ne me trompe pas, parce que quand il y a une file d'attente de plus d'une heure et c'est pas rare, et ben ouais, ok. T'as raison dans le fait où il y a des loops plus courts que les autres. Par exemple, au niveau de Bella Notte, c'est une musique différente qui, à mon avis, il n'y a pas une heure de musique style italienne. C'est voilà. C'est ça. Même si on sait qu'il n'y en a qu'une seule qui vaut le coup. Voilà, c'est la musique, vous la connaissez maintenant, c'est la musique de fin du podcast que vous retrouverez tout à l'heure. Après nous avoir écouté. Mais ce qui est, c'est que dans ce parc-là, l'immersion, elle n'est pas que dans les Landes, elle est autre part. C'est-à-dire que la musique, tu l'as tout le temps. Tu l'as tout le temps. Comme je disais tout à l'heure, tu es du parking aux toilettes. Tu as même de la musique aux toilettes. Tu es en train de faire pipi, tu as de la musique, tu vois. Ah, mais moi, je veux dire, aller aux toilettes avec du Ennio Morricone dans les oreilles, mais. Ouais. Quel bonheur. Quel bonheur. Tu te prends pour Clint Eastwood aussi. C'est ça, c'est les pépites d'or, je peux vous dire. Peut-on dire qu'il sort son pistolet ? Ah, on peut le dire. Blague lourde. Mais non, mais t'en as partout, en fait. C'est ça qui est bien. C'est, peu importe où tu vas, t'en as, au resto. Oui, mais partout, mais bien fait. Bien réfléchi, en fait. C'est clair. Parce que partout, mais casse-tête, ce serait impossible, quoi. Justement, tu parlais de musique qui a un peu le même rôle qu'au cinéma. C'est encore plus le cas dans les attractions. Où là, vraiment, je vais prendre l'exemple qui me parle le plus et qui, je pense, qui va vous parler le plus aussi, c'est Phantom Manor. On en a déjà parlé dans le podcast précédent, mais de l'entrée à la sortie, il y a vraiment une évolution, mais on se croirait vraiment dans un film. Il y a un truc, la musique devient de plus en plus dramatique au fur et à mesure, en fait. Et c'est encore. Mais j'irais même plus loin, c'est que sans cette fameuse musique, l'attraction serait moins intéressante. Ah, mais c'est clair, c'est parce que ça participe à la narration pour moi, vraiment. Complètement, mais complètement. Sans la musique. On avait parlé. C'est comme Pirates des Caraïbes, je veux dire. Pirates des Caraïbes, voilà, avec le fameux Yoho. Bon, t'as qu'un loop de 15 minutes parce que t'as qu'une seule chanson. Hein. Mais. Oui, c'est vrai que c'est un peu différent, Pirates. Ouais, voilà. Ouais, mais elle est tellement bien. Ah, c'est clair, la file d'attente, la musique. Oui, mais tu vois. C'est ce genre de musique que tu peux écouter, elle est indémodable, quoi. Tout le monde fait Yoho, Yoho, tout le monde fait ça, donc. Complètement. Donc t'as pas la musique du film de Pirates des Caraïbes, c'est vraiment la musique de l'attraction qui dure 15 minutes, je sais pas si les cast members arrivent à tenir toute la journée. Bah, après, même si c'est un petit peu hors sujet, je dirais même que la musique de l'attraction, il y a même eu un clin d'œil dans les films. Ah ouais? Oui, dans le 2 ou 3, la scène de pendaison, ils chantent le fameux Yoho. Oui, tout à fait. Ah d'accord, ok. Oui. Je m'en rappelle plus. C'est dans le premier, je suppose. Il me semble non, je crois que c'est dans le 2 ou le 3, hein, je ne sais plus. Je crois que c'est le... Ouais, il a raison, c'est le 2 ou le 3. Je crois que c'est le 3 même, mais. Ouais, je serais plus sûr. Je n'affirme pas cette info, mais oui. Voilà. Ouais. Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est chaque comme vous disiez tout à l'heure, chaque land a sa musique, chaque attraction. Ils y ont pensé jusqu'au bout parce que c'est même eux, il me semble, qui ont créé justement tout un système d'audio embarqué dans les attractions type roller coaster, donc notamment pour Space Mountain. Le premier, c'était Casey Junior. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'était avant. Ah ouais. Qui est très bien faite et qui, encore une fois, participe complètement à la narration. C'est tout est une histoire d'immersion et de nous raconter une histoire quoi à chaque fois. Et t'as aussi des fois on parlait de loops de land, t'as des fois des loops de land, bah, je vais prendre l'exemple de Frontierland parce que c'est plus flagrant, t'as le loop du land et tu vas dans le BTM, t'as un autre loop qui y ressemble, mais ils ont fait des loops vraiment adaptés à cette attraction-là. C'est-à-dire que c'était dans une immersion et tu n'as pas les mêmes chansons que dans le land. C'est ça pas les mêmes chansons, on change d'instrument aussi. Oui, c'est vrai, il y a de l'harmonica en plus, je crois. Oui. Il y a même... Et c'est aussi, quand on parle d'attraction, t'as l'ambiance, mais aussi les sensations que ça te procure, la musique. Je te donne un truc tout simple. Quand tu vas dans le Molly Brown, tu sais, faire le tour du... Oui. Ouais. Tu arrives, t'as un sorte de mec, enfin, tu vois bien que c'est un mec qui joue de l'harmonica, oui. Tu sais, doucement. Puis tu vas sur le Molly Brown et quand tu vas, t'apaises direct et t'as cette sensation de dire allez, j'ai bien bouffé là au Cowboy Cookout, maintenant j'ai bien digéré sur le Molly Brown. Ah, et t'as cette musique tellement d'accord. Et t'as même pas envie. En fait, tu te poses et la lenteur du bateau fait que la vitesse du bateau fait que t'es bien apaisé. Et puis tu fais le tour, t'as envie de choses. C'est non, on va dire, on fait un tour là, c'était bien. C'est ça. En vrai, c'est super important. On prend l'exemple de Frontierland. On s'imagine, c'est vrai qu'on a l'image en face de nous, mais on s'imagine avec la musique. On est direct aux États-Unis là. Oui, c'est clair. Oui, c'est ça. Oh. Mais non, mais il y aurait une musique qui correspondrait pas. On se dirait, mais c'est quel est le problème? Ou il y aurait pas de musique du tout d'ailleurs. On se dirait, mais il y a un problème. Là, c'est vraiment l'immersion. Ça nous rappelle quelques souvenirs peut-être de films ou de notre imagination en fait. Ouais. Contrairement au Frontierland, c'est des États-Unis. Le nôtre est vraiment encore plus inspiré de tout ce qui est. Culture de la ruée vers l'or, etc. Et des films, en fait, puisque les Européens sont depuis toujours, en fait, enfin, plus vraiment maintenant, mais à une époque très, très, très friand western. Et quand tu leur parles de ça, toujours, parce que quand, regarde, quand tu penses à Clint Eastwood, du moins en France, et tout le monde pense à ces films de western. Un film de Clint Eastwood marche toujours en France, que ce soit western ou pas western. Et que tu vas dans d'autres pays, ça marche pas aussi bien. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai, comme tu dis, la ruée vers l'or, qui n'aime pas ça, quoi. Les pirates, les cow-boys, tout ça, c'est ce qu'on a vécu pendant notre jeunesse, quoi. C'est des rêves de gosse, quoi. Donc, c'est ça. Voilà. Et puis bon, on parle que du Disney, du Disneyland, on va dire pas principal, mais tu vas sur le studio, t'as aussi des bonnes musiques, hein, franchement. Oui, c'est clair, les compositions. On n'en parle pas, mais. Devant l'attraction Ratatouille, notamment. Et t'as aussi, quand moi, tu vas dans l'attraction Cars, 4 roues, là. Au niveau du studio 1, donc toute la musique qui est à cet endroit-là, j'aime beaucoup aussi un peu de jazz, voilà, c'est très, ben, très hollywoodien, en fait. Très hollywoodien, ouais. C'est ça, au niveau du rock, de l'ancien rock and roll. Au niveau de la tour, c'était un peu plus. Jazz. Pas faire peur, mais jazz un peu bizarre. Jazz un peu décrépit, ouais. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que hâte d'entendre le loop du stand du Land Marvel et hâte de l'entendre. Alors, est-ce qu'ils vont reprendre des musiques, des films? Voilà, je me pose la question, est-ce que ce serait pas une erreur? Oui, c'est vrai. Est-ce que Tiens, ça serait une erreur pour toi ou pas? Après, en soi, ce land-là était déjà un peu plus rock au niveau musical. Et Marvel est toujours un peu plus rock. Quand on voit les Iron Man et tout ça, il y a toujours un petit peu de rock. Donc après, est-ce qu'ils vont adapter ou pas les musiques de Marvel? Je me pose vraiment la question dans le sens où on est censé être dans un centre de recrutement, donc dans l'univers Marvel. Et est-ce que dans cet univers-là, la musique que nous, on entend dans les films en tant que spectateurs, existe? Non. Du coup, est-ce que c'est vraiment intelligent de mettre la musique comme... C'est vrai que quand tu fais un nouveau land comme ça, donc tu dois faire un nouveau loop... Chaque attraction doit avoir son propre... C'est la politique de Disney, de toute façon. Chaque attraction a sa propre musique. Honnêtement, si tu fais l'attraction Spider-Man, tu entends la musique principale de Spider-Man qu'on connaît. À la limite, celle-là, ça passe, parce qu'en fait, dès que tu l'entends, tu dis, bon, c'est Spider-Man, c'est sûr. Mais que celle-là, ou reprendre des musiques, tu sais, qu'il y a dans les films, j'aurais un peu de mal. À la limite, entendre les Ramones, tu sais, quand on parlait de rock tout à l'heure, chanter... ça peut passer, mais c'est vrai que s'ils reprennent honnêtement les musiques du film, un peu déçu. Bon, le parc, ça dépend. Si c'est la musique d'Avengers, moi je vote pour. Ouais, Et après, elle ne peut pas tourner non plus en boucle toutes les 3 minutes. Mais c'est, pas le, c'est pas le, l'attraction Spider-Man, normalement, ils ont fait une loop spéciale, je crois qu'ils ont fait un loop spécial. Ah bah oui, ils ont enregistré à Abero, au studio d'Abero. Oui, ouais, ils font ça un peu pour toutes les attractions, ils composent en fait pour donc, les parcs. À mon avis, ça va être différent parce qu'ils doivent composer. Ils doivent composer. Mais de toute façon, Benji, tu as tout dit, c'est la politique de Disney de mettre une ambiance musicale dans les Landes. Donc pour moi, ils ont autant réfléchi que le visuel, que l'attraction. Tu n'as pas que les Landes, tu n'as pas que les attractions, tu as aussi les hôtels. Hein. Chaque bien hôtel, le Disneyland Hotel a son propre loop, le Sequoia Lodge, vraiment. Et son de nature, etc. C'est aussi très détente. Mm-hmm. Moi, j'adore. Oui, c'est vrai qu'au Sequoia Lodge, il paraît qu'il y a des sons de nature. Oui, bah en fait, c'est incrusté dans la musique. C'est un petit peu comme au ranch Davy Crockett, qui est un peu plus reculé. Mais oui. Oui, ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Mais c'est ça qui est agréable, c'est qu'ils ont de la musique tout le temps. Ouais, ça fait un parc bruyant, comme tu dis. Un parc bruyant, ouais, mais c'est pas péjoratif parce que sans ça, on aimerait peut-être un peu moins Disneyland Paris quelque part. Mm-hmm. Ah oui, mais c'est clair. On l'a pas cité, mais je prends l'exemple aussi de It's a Small World. Oui, alors oui, oui. Et là, quoi ? Non, c'est bon, on parle pas de celle-là. Non, on l'a dans la tête toute la journée. Ouais, mais quelque part, on aime détester cette musique et en même temps, sans la musique, l'attraction serait quelque part inintéressante. Mm-hmm. Je me demande la force mentale que doivent avoir les cast members à entendre des chansons comme ça à longueur de journée. Alors pour un cast, ça doit être compliqué. Je pense que les bouchons d'oreilles, ils doivent bien servir. Ouais, mais n'empêche que l'intelligence de cette musique-là dans l'attraction, elle est évolutive en fonction des pays qu'on visite. Mais elle est super bien faite, mais franchement, et ça a été fait il y a des années. Encore le lien avec le cinéma, puisque c'est les frères Sherman qui l'ont composé et qui ont composé justement pour le cinéma aussi. Donc... De toute façon, les frères Sherman, voilà, c'est les bras droits de Walt, hein. Complètement. Ouais. Donc là, on a parlé de tout ce qui est musique d'ambiance, on va dire, entre guillemets, et d'attractions. Mais dans le parc, en général, il y a aussi les musiques de show. Mais alors là, on ne va pas parler des saisons parce que ça, on le fera à la fin du podcast. Mais tout ce qui est parade, show permanent, quoi, show nocturne, la musique est aussi super importante. Donc si vous avez peut-être des favoris à travers le temps, etc. L'invité, allez-y, monsieur. Alors, déjà, au niveau des parades. Même juste parler, en général, des musiques de parade. Déjà, d'un point de vue, pas technique, mais un peu plus quand même, les parades, ça a déjà évolué. Je vois pour les 20 ans, la dernière en date, où il y avait une seule musique pour tous les chars, c'était Magic Everywhere, que j'adorais au passage. Et maintenant, sur la parade des 25 ans, donc Envie de magie, elle est évolutive en fonction des chars. Hein. Donc déjà, alors moi j'aime moins, quelque part, mais bon après voilà, ça c'est chacun son avis. Donc c'est la même musique au niveau du rythme, mais c'est avec des classiques Disney réinterprétés sur le même rythme Envie de magie. Voilà. Exact. Je ne sais pas comment décrire ça, c'est compliqué. Mais Ce qui est pas mal dans ces musiques, comme tu dis, de show et parade permanent, c'est... En fait, la musique, elle suit la parade. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La dernière, Elle suit. Alors, même en général, oui. C'est pour ça que je disais que... Le travail des régisseurs, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que ça se suit, tu vois. Ouais, ouais, la musique, tu l'entends de loin, et plus la parade arrive vers toi, tu l'entends. C'est clair, ils arrivent à vraiment te faire l'annonce de quand la parade va commencer au bon moment, suivant où tu te situes dans le parc, etc. Oui, c'est vrai. Alors, petite parenthèse pour revenir sur les loops, mais c'est aussi présent dans le sens où les transitions sont toujours, au niveau musical, c'est jamais choquant en fait. C'est-à-dire qu'ils sont fait en sorte de régler les haut-parleurs de sorte à ce que quand tu passes par exemple d'un land à un autre, ça se fasse un peu de manière douce, quoi. Une sorte de transition, c'est ça que tu veux dire ? Alors, je rebondis là-dessus. Au niveau des landes, c'est vrai que la transition est très douce. Mm-hmm. Au niveau de la dernière parade, je trouve que si tu es entre deux haut-parleurs qui sont dans la transition, comme tu dis, la technologie est peut-être pas encore. Ça fait un petit brouhaha, je trouve. D'accord. Et c'est dommage. Donc, parce que c'est pas encore maîtrisé. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave, on ne regarde pas la parade, on va faire des attractions pendant que les enfants regardent la parade, c'est bien. Non, parce que j'adore les parades, moi, justement, et j'adore les musiques de parade parce que je les trouve très travaillées, elles sont aussi immersives, elles font partie de la parade. Imaginez un char qui défile avec une musique qui n'a rien à voir, voire pas de musique, juste la musique de Main Street en temps normal, là, ça n'aurait plus rien à voir. Voilà. C'est clair. Ce serait pas une parade, du coup. Ouais, voilà, voilà. Ouais, c'est mais une parade traditionnelle au-delà d'un parc, normalement, c'est des gens qui jouent de l'instru et tout ça. Non, là, c'est diffusé dans les haut-parleurs, fallait le faire. Voilà. Et en parlant de parade, ce qui est bien, c'est que chaque parade a son propre thème musical. C'est-à-dire que c'est-à-dire, et qui reste gravé. Tu prends Halloween, tu as la chanson qui s'appelle Vive la vie. Mmh. Ben ça, on parlera surtout des saisons à la fin ouais, du podcast. À la fin, ouais, pardon. Mais plus pour l'avant, c'est que tu t'en rappelles. C'est une parade dont tu te rappelles. Parce que cette chanson passe pendant la parade. T'as les musiques de show, tu en parlais tout à l'heure. C'est que c'est certes des reprises, mais t'as des vrais chanteurs. Enfin, tu veux dire, il y a pas de faux chanteurs, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est un faux chanteur. Mais bon. Il y a une époque où ils sortaient. Alors, ils l'ont un peu refait là avec les Rimes de la Terre, mais il y a une période où ils sortaient carrément les CD de certaines musiques de parade, de show, etc. En effet, j'ai celui de la parade des 15 ans, j'ai oublié le nom là, mais... Moi aussi, ouais. Moi aussi. Et c'est pas possible de l'acheter dans le Disneyland, ça genre, Aux 15 ans, je l'avais acheté dans une des boutiques. Hein. Oui, moi aussi, mais ça s'est un peu arrêté au fil des années, quoi, ça. D'accord. J'avais aussi celle de la célébration, il me semble, de... Je sais plus, de Mickey ou quelque chose comme ça. La partie Magical Time, là. Oui, complètement. Oh, celle-là. Ah, celle-là. Ou celle-là. Celle-là, on est d'accord. D'ailleurs, je me demande si la musique n'était pas plus forte que la saison en elle-même. Enfin, la saison, l'année. Si, ouais. Bah, moi, je m'en souviens encore, mais c'est parce que c'était une partie de mon enfance. Tu vois, moi, j'étais là, j'étais complètement émerveillé par le truc. Quoi. It's Mickey, Magical Party, it's time. Ah, mais oui. Qu'est-ce qu'il chante bien là, c'est ouais, on parlait de faux chanteurs, voilà. Là, c'est des souvenirs, quoi. Vraiment. Ça change de Baby Shark. Baby Shark. Alors, Disney n'a pas fait Baby Shark. Dommage. Non. Ça peut... Non, mais bon, après, voilà. Non, c'est non pas... mais ouais, tout ça pour dire qu'ils ont vraiment, même au sein du parc, une équipe de compositeurs, de gens qui orchestrent la musique. Mais c'est vraiment incroyable. Il y a les compositeurs, et puis, oui, comme dit, il y a ceux qui orchestrent, c'est-à-dire ceux qui. Ça, oui, ça, c'est là, dans les studios, pour le coup. Il y a la bonne diffusion aussi dans le parc. Je ne connais pas, comme dit tout à l'heure, les régisseurs, mais les mecs, ils arrivent à faire suivre la musique le long de la parade jusqu'à Main Street. Enfin, tout ce qui a été compo. Le sale. Après, je me pose une question quand même, c'est que donc des Disneyland, il y en a 6 dans le monde. Est-ce que on a des musiques de parade ou de show vraiment à proprement dites pour Disneyland Paris, ou c'est des réinterprétations ou des reversions? Non, il y en a qui se sont composées vraiment spécialement. Ouais. Ça, je vous conseille d'aller écouter. Je parle aujourd'hui. Hein, aujourd'hui. Oui, toujours. Ouais. Je vous conseille d'aller écouter justement le podcast de Main Street Actures sur les musiques qu'ils avaient fait à l'époque. Mmh. Et même, vous pouvez trouver des articles sur Internet. En fait, il y a vraiment quelqu'un qui s'occupe. Un compositeur qui est dédié à Disneyland Paris, et ils ont toute une équipe où ils réfléchissent à créer les musiques, ben voilà, pour les saisons, les 30 ans, etc., et pour les shows. Donc ouais, c'est vraiment interne, il y a une équipe qui s'occupe de ça, quoi. Par contre, faudrait, et alors pense... parfois ils reprennent par exemple ce qui a été fait dans d'autres parcs comme à Tokyo pour le réarranger, etc. Donc il peut y avoir des liens entre les parcs, mais en tout cas il y a vraiment une équipe qui compose à Paris. Et je rebondis là-dessus, je te remercie de parler ça. La musique de la réouverture l'année dernière, elle était juste oufissime. C'est clair. Oui, voilà. mais t'as ce caractère de nouveauté qui fait que tu l'apprécies, parce qu'on parle des musiques depuis tout à l'heure, elles sont très bien, mais des fois un peu de musique de nouveauté, enfin Max connaît mon goût pour la nouveauté, mais des fois quelques musiques nouvelles, ça permet d'aérer un peu, tu vois, les acquis de certaines musiques qu'ils ont déjà. Justement, tout le monde a été dans la hype avec la musique de la réouverture. Bon, c'était l'ambiance de la réouverture, etc. Mais les gens ont adhéré à cette musique aussi parce qu'elle était fraîche, elle était nouvelle. Et pourtant, ce qui en soi n'était pas une nouvelle musique, des nouvelles paroles. Non, c'était pas forcément. Mais quand tu arrives à Disneyland Paris, même si la musique est un acquis pour eux, on a toujours les mêmes loops, on a toujours les mêmes attractions, et ce qui est très agréable, parce qu'en fait, on s'en plaint pas. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'immersion. Mais t'es quand même heureux d'avoir une nouvelle musique. Je vais dire une bêtise, mais quand t'entends cette musique-là qui est sortie lors de la réouverture, le premier réflexe des gens, c'est d'inventer une chorégraphie, une danse. De taper dans les mains. Ça avait commencé un peu avec la saison Swing Into Spring, ça, où il y avait les cast members qui s'étaient réunis sur Central Plaza pour créer. C'est cette même musique-là, complètement. Oui, c'est même celle-là, en fait, oui. Et du coup, tu vois, ça, des fois, un peu de nouveauté, un peu de musique nouvelle, ça peut faire du bien. Justement, on pourrait parler du fait aussi qu'il y a peut-être assez souvent les mêmes licences qui sont utilisées pour certains shows, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mêmes musiques qui reviennent. Par exemple, le Roi Lion, c'est un peu une évidence où ça revient à travers le temps énormément de fois sur le parc. Voilà, donc c'est, ouais. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a, ouais, il y a certains Disney qui ne sont pas oubliés, mais un peu mis de côté. Ça commence à changer un peu si on regarde ça commence à changer, notamment en Californie. Donc, ouais, c'est top. Donc, on va pouvoir passer au premier défi. Oh putain. Donc, comme je viens de vous le dire, on va passer au premier défi. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Non, pas du tout. Mais bon. Alors, c'est moi qui fais les défis. Non, c'est fini ça. J'en ai assez fait maintenant, c'est à moi de te torturer. Donc, ça, je suis pour. Le premier défi, j'ai été, franchement, je l'ai réécouté cet après-midi. J'ai été ultra sympa avec vous. Hein. Celui de tout à l'heure, ce sera autre chose, je vous préviens. Mais voilà, là, j'ai été sympa, c'est un blind test. D'accord. Qui est facile, mais ça va jouer sur la rapidité en fait, du coup. D'accord, facile, mais pas trop. Donc, le premier qui répondra, qui devinera quelle est la musique du parc, donc on est toujours sur Land, attraction, etc., c'est le thème, aura un point. Il y a 8 musiques, donc c'est sur 8 points, et c'est celui qui aura eu le plus de points qui remportera le défi. Ça fait 4-4. Macron est-ce que c'est et McFly Carlito, tu vois. Oui, c'est compris. Alors, on va pouvoir partir. Est-ce que vous êtes prêts? Ready. Voilà, première chanson, ready. C'est le premier Vas-y. Qui répond, qui a le point. Okay. C'est parti. Tower Hotel. Hollywood Hotel, ouais. Oui, c'est bon, c'est Benji qui a le point. Ah. Tiens, dans les dents, c'est Trois Dreams. C'était donc le loop en fait de la file d'attente du Tower Hotel, qui je le trouve incroyable, hein, vraiment. Ça te met dans l'ambiance de suite. Fait peur. Donc Benji, je suis fier. Ouais, mais c'était Hollywood Tower Hotel. Non, allez, commence pas. Oh, oh, oh. Le point est à Benji, en plus Merci. C'est mon acolyte, c'est parfait. Claire. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième musique? Oui. C'est parti. C'est le loop d'Aventureland. Oui. Il faut être plus précis. Ah bien. Le resto là, Colonel Atty. Oui, c'est ça, 2 points. Ced, tu me déçois. Ouais, je ne commenterai pas. On est à 2 points sur 8 pour Benji. Non, mais je le laisse gagner sur ce défi. Voilà. Non, mais ça se trouve, il est capable d'aller jusqu'à le 4 et après, il va aligner, tu vois. C'était bien le colonel Atis, donc un peu plus dur, elle était celle-là. Alors, ouais, je connaissais pas en vrai. Ouais. Ah ouais, t'es déjà allé manger là-bas ou... Non, c'est pour ça. C'est okay, le même menu que Bella Notte. Mais par contre, c'est quand même intéressant. J'avais compris que c'était Adventureland. Comme oui, quoi. C'est vrai qu'il y a les sonorités un peu exotiques qui ont... Oui. Mais de là à situer, quand tu as demandé plus de précision, là, c'est impossible. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième musique? C'est parti. Autopia? Non. Non, putain, je sais pas. J'aurais dit le carrousel. Non. Non. Mmh. C'est pas Autopia. C'est pas Autopia. Ouais, alors c'est pas Autopia. C'est pas le carrousel. Non. C'est sûr, c'est à Discoveryland ce truc. C'est pas Autopia. C'est à Fantasyland. Bah, en soi, Benji l'a dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le loop audio de Discoveryland, quoi. Tout court. C'est pas Autopia. Ah, ok. Non, on n'accorde pas le point. J'accorde pas le point. J'allais te donner un demi-point, mais du coup, c'est non. Non. Je dirais même moins 1 parce qu'il a donné une mauvaise réponse en premier. Non, calme-toi. Calme-toi. Le mec, il a moins 4. Moins 4 à 0. Oh. Ah, celle-là, je trouve qu'elle est trompeuse parce qu'on dirait. Je sais pas, c'est bizarre. Sinon, pas loin de te dire Liberty Arcade ou un truc comme ça. Ah ça. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je tiens à rappeler qu'il y a toujours 2 à 0. Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour la... c'est la combientième? C'est la quatrième musique. Quatrième, ouais. C'est parti. Et sachant qu'il nous a précisé que c'était facile. La musique des toilettes de Fantasyland. Non. Allez hop, un point. Ça peut être un show. Je vous donne un gros indice. Ah d'accord, ça peut être un show. Oh. C'est pas la danse des princesses? Non. Oh, Michael le magicien. Oui, bravo Ced. Putain. Ah mais j'adore cette musique. Oh, oui. Alors là, c'est au tout début avec la luciole, non? Ça c'est bien dans mon cœur. Oui, c'est exactement ça. C'est magnifique. Alors là, c'est... Oh là là, cette musique est incroyable. En même temps, le show est incroyable. Bon, ça n'empêche pas que c'est 2 à 1, mais tu peux te rattraper. Bon, ça vaut 3 points, ça. Donc c'était bien Mickey et le magicien, un superbe show que j'ai tellement hâte de revoir, tellement... Et la musique, je l'aime encore plus que le show, réellement. Ah, moi, c'est équivalent, hein, ça fait partie, mais ça m'est déjà arrivé de l'écouter. Oui, j'exagère, mais ouais, c'est vraiment une belle musique, vraiment. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la cinquième musique ? Carousel. Oui, bien joué. Ouais. Allez, franchement, ça sonne carousel. Mais en fait, j'avais le manège, j'ai pas eu le temps de le dire. Voilà. Regarde, si tu regardes. Tu voyais le petit manège avec les chevaux et tout ça, et voilà. Ça s'appelle le carrousel de Lancelot, et si tu regardes bien, les piquets et les poteaux qui sont autour, c'est bien des... C'est des oui, c'est des lances, des lances de chevaliers. C'est ça. On a le plus beau des carrousels. Hein. Voilà. Elle est beau. Ouais. C'est un autre débat, mais voilà. Donc, attraction préférée de Central Dreams, le carrousel. Mesdames, si vous voulez voir cette vidéo. Il est magnifique, même si c'est un carrousel. Il a son propre loop. Oui, mais oui, c'est fou. Ah, pour dire à quel point, vraiment, tout est pensé niveau musique, quoi. Donc là, on est à 3 à 1. Voilà. Et il reste 3 musiques. D'accord, ok. Donc c'est que je gagne. Là, c'est que je gagne. Là, voilà, c'est ça. À savoir que la prochaine est vraiment ultra simple. T'as dit ça tout à l'heure alors que c'était Discovery. Non, là, vraiment, je vous jure que vraiment, celui qui va pas trouver en premier, c'est. Je crois que les gens qui vont écouter ce podcast vont l'humilier. Voilà. Il va donner son passe annuel à l'autre. C'est super gentil de mettre la pression. Est-ce que tu t'engages à donner ton passe annuel que tu n'as pas ? Oui, je m'engage à offrir mon passe annuel que je n'ai pas. Et moi, je m'engage à donner le passe annuel de ma fille. Voilà. Oh, le bat. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour celle-là ? Oui. Pas du tout. C'est parti. Ou pas. Vas-y. Pirates des Caraïbes. Oui, ouais. C'est bon. Ah la vache. Benji. Oh là là. Ced, c'est pas possible. Il a même pas fini le mot Caraïbe que j'ai dit pirate, quoi. Pirate. Pirate. Ah, vas-y, les deux autres pour l'honneur. C'est pas un placement pour lui, pour Tipiak. Hein, voilà. Et n'empêche que, par contre, n'empêche, en vrai, dès les premières sonorités, on reconnaît l'attraction. Oui. C'est ouf. C'est ouf. En vrai, c'est vraiment ouf. Hein. Voilà. Bon, mesdames et messieurs. Bien joué, Benji. Bien joué. Benji, vainqueur de ce premier défi, son premier défi. Pour DLP Podcast. Pour DLP Podcast. Pour l'honneur. Pour l'honneur. Bon, on va quand même faire les deux autres pour le plaisir. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Bien, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. Alors, c'est parti. Star Wars, donc... Star Tour, hein. Ouais, Star Tour. Non. Hyperspace Mountain ? Non. Alors, c'est pas Star Tour. Le show pendant la saison Star Wars ? Non, c'est plus présent. Vous pouvez plus entendre. C'est plus présent ? On peut plus entendre. Mmh. Enfin, si, vous pouvez entendre à un endroit, mais c'est pas là où c'était avant, quoi. C'est, D'accord. L'ancienne boutique Star Wars ? Non. C'est une boutique ? Non. C'est un snack ? Non. C'est une attraction ? Oui. Bon, c'est Star Wars, on est d'accord. Non. Non. C'est Star Wars. Max, on est d'accord, c'est Star Wars. Non. Non. C'est pas Star Wars. Est-ce que ça se trouve vers Discoveryland ? Oui. Orbitron ? Non. J'ai dit que ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Mission de la Terre à la Lune ? Allez hop. Non, non, non. Bah, Star Tour 1. Vous allez tous les faire. Non, vous allez tous les faire. Ça n'existe plus, on peut l'entendre encore à un endroit. Oui, je vous dirai après où. Mais... Toilette ? De Discoveryland ? Non. Alors là. Je vous le dis. En fait, elle me dit quelque chose. Vas-y, dis. C'est le Visionarium. Oh oui, le Visionarium. C'est le Visionarium et vous pouvez l'entendre quand vous êtes dans le Railroad et que vous arrivez au niveau de Discoveryland, oui. En fait. Oui. Ouais, mais celle-là. Je vous l'avais dit. C'est partie des attractions qu'on a complètement oubliées, tu vois. C'est ça. Mais même que moi, je n'ai fait. Je l'ai jamais faite, quoi. Donc. Elle était trop bien. Ah oui, mais c'est ouais. Oui, on est d'accord, c'est vieux. Ouais. Ouais. Ouais. T'as fait Captain EO quand même, non ? Oui, j'ai fait. Ouais. Trop bien. J'ai surtout fait Chérie, j'ai rétréci le public. Ah. Et ça, je peux vous dire que quand j'étais petit, mais la scène du serpent, mais je pleurais à chaque fois et on devait me sortir de la salle. Mais c'est quand même la meilleure attraction qu'il y a eu dans cette salle. Voilà. Oui, non, mais on est d'accord. C'est juste que justement, ça marchait tellement bien. Oh, attends, Captain EO, c'était bien aussi. La scène des rats aussi, là, dans Chérie, j'ai rétréci le public. Ça les sentais passer sous toi. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que la musique elle reste mythique quand même. Oui, mais c'est clair. Bah, d'ailleurs, la musique d'intro du podcast est reprise de Chérie, j'ai rétréci le public. C'est en version fanfare, en fait. Voilà, pour la petite anecdote. Merci, c'est cette anecdote. Les petits secrets de Max de son DLP podcast. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière musique? Ouais. Ouais. Et là, c'est une spéciale dédicace. BTM, allez hop. La Gragrama Café. Oui. C'est le Gragrama Café. C'est ça. Là, c'était facile. Si en plus j'ai dit que c'était une spéciale dédicace. Oui, mais j'ai compris direct. En fait, j'ai répondu avant d'écouter. Bon, en attendant, c'est Benji qui a gagné. Hein. Ouais. Donc, Ced, t'as encore des chances de te rattraper. Mais... Ça me fait plaisir de le laisser gagner sur cette. Oui, ce défi. Voilà. C'est ce que disent tous les invités. Oui, ouais. Ouais. Ouais, quand même, t'en as qui sont hargneux, hein, qui veulent vraiment gagner. Non, je vois pas de qui tu parles. T'as même qui donne des dessous de table. Hargneux, n'importe quoi. Dans tous les cas, ce défi, même si je l'ai perdu... Est-ce que ça t'a plu de le faire? Ouais. Ouais, parce que ça nous rappelle Disneyland Paris, vraiment. Et au moment de ce tournage, c'est encore fermé. Et vraiment, ouais, ça nous donne envie d'être là-bas. Vraiment. Ouais. Clair. Donc, rien que pour ça, merci Max. Ah, de rien. J'ai bien aimé les pubs YouTube aussi. Ah, oui, vous les avez pas entendus, mais nous, on s'est régalés. C'était bien. Donc, après ce premier défi dont... Benji est le grand vainqueur, on va pouvoir passer à la deuxième partie, puisque donc on a parlé pas mal de la musique des parcs, mais la musique des parcs ne serait pas présente sans la musique des films Disney, qui est vraiment un peu le cœur de Disney, c'est ce qui fait leur identité, et ces musiques-là se retrouvent dans les parcs. Donc on va faire, pour cette partie centrale, une aparté sur les musiques des films, donc animation, ça peut aussi être live action, mais on va surtout parler, je pense, des films, vraiment les classiques d'animation Disney. Parler de ces musiques-là. Donc, je sais pas, par exemple, si vous avez des Disney dont vous avez les musiques que vous préférez, etc., avant qu'on puisse rentrer un peu dans le détail. L'invité, toujours. Hein. Je sais même pas par où commencer, parce que c'est tellement là. C'est tellement là. Mais que serait un Disney sans musique, déjà? C'est tellement ça. J'ai envie de dire, on va prendre l'exemple, c'est pas forcément mon préféré, mais c'est le plus connu, un des plus connus, c'est Le Roi Lion ou même La Reine des Neiges. Oui. Imaginez ces films d'animation sans musique. Imaginez-les 3 secondes. Ça n'aurait rien à voir, oui. Bah, il n'y aurait même plus le charme de voir ces films-là, et je suis sûr qu'ils n'auraient pas eu le succès qu'ils ont eu. J'en suis persuadé. Et on peut remonter bien loin, même sur le premier, sur Blanche-Neige, etc. Mmh. Donc, déjà, rien que pour ça, c'est la marque de fabrique de Disney de faire des musiques de qualité qui ajoutent quelque chose à l'histoire et au-delà de l'histoire, une ambiance. Voilà. Justement, on va parler de ça, puisque, on va dire, à partir des années 80 environ, il y a eu un peu, j'ai décortiqué ça, il y a un peu, je trouve, une formule qui a été amenée au niveau de l'utilisation de la musique. Et qui est très proche de ce qu'on retrouve dans la comédie musicale, en fait, donc les shows de Broadway. Donc, je vais prendre quelques exemples. On retrouve toujours, depuis donc, ces films-là des années 80, La Petite Sirène notamment, ça a commencé là, avec Howard Ashman et Alan Menken. Donc, on retrouve toujours plusieurs types de musique, les mêmes, qui se retrouvent dans les films. Donc, il y a la musique qui exprime, par exemple, le désir du héros. Donc, je voudrais déjà être roi, partir là-bas ou belle. Il y a la musique du méchant, ensuite, donc c'est... Tout est amené narrativement par la musique. Donc, la musique du méchant, c'est Soyez prêts, Infernal, la musique de Gaston. Il y a la musique d'amour, donc l'amour brise les étoiles. Elle est énorme, c'est la musique de Gaston. Ouais, c'est clair. Ce rêve bleu où je veux y croire. Et il y a aussi, par exemple, la musique que j'appelle la musique de fête, avec Je suis ton meilleur ami, c'est la fête, etc. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, vous aussi, un peu cette structure-là de musique dans les films. Est-ce que vous en pensez? Quelles sont généralement les musiques que vous préférez? Est-ce que c'est la musique plutôt d'amour ou de fête, etc.? Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée que chaque musique est adaptée par rapport à la situation dans laquelle se trouve le personnage en question. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que quand tu prends un film Disney, que ce soit un film ou un dessin animé, classique ou non, la musique reste... dans le thème dans lequel se trouve le film. Je vais te prendre l'exemple de La Princesse et la Grenouille. Toutes les musiques font penser aux vieilles musiques de Louisiane, etc. Oui, de La Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, pardon. Ouais. Excuse-moi, je dis Louisiane, c'est La Nouvelle-Orléans. Ouais. Et en fait, dans La Petite Sirène, tu as ce petit côté tropical. Dans Belle, tu as quand même, comme tu disais tout à l'heure, La Belle et la Bête, tu as quand même cette musique traditionnelle française, etc. Lumière. Première, voilà, avec des paroles qui sont adaptées. Précisons que c'est quand même le meilleur Disney, voilà, j'arrête là. Ouais. La Belle et la Bête ? Ouais. Ouais, c'est ce qui... Oui, je suis d'accord. Meilleur, ça reste Peter Pan. Peter Pan, Robin des Bois, pardon, Robin des Bois. Ah, mais, c'est vrai, alors, Robin des Bois, c'est toute une histoire. C'est oui. Ça. mais pour dire, c'est que t'as effectivement des musiques qui sont attachées à la situation donnée dans laquelle se trouve le personnage, mais aussi de la musique qui prend l'ambiance générale du film. Aussi que c'est très important. Oui, parce que là, on va parler des musiques chantées, mais il y a aussi les musiques orchestrales. C'est ça. Mais pour continuer avec les musiques chantées, j'ai envie de dire, ça permet aussi d'accélérer une scène qui pourrait durer un quart d'heure sans musique, oui. Sans chanter. Et là, ça accélère la scène, mais de façon intelligente. Attention. C'est complètement ça. C'est très bien fait. On rentre dans le truc. On nous raconte plein de choses en 3 minutes. Et ouais, donc franchement, ça accélère les choses, mais de façon intelligente. Sur une scène qui pourrait être molle ou moins passionnante si elle durait un quart d'heure, quoi. C'est clairement ça, ouais. Mm-hmm. Et t'as certaines... tu parlais de live action tout à l'heure. Oui. Et en fait, t'as des cas où t'as des live action où la musique, t'es pas plus attiré que ça. Tu prends le film Mulan. T'as pas de... Enfin, sans, je te spoile pas en te le disant, là. C'est un film plutôt classique, c'est-à-dire que ça... Ouais, on va dire, ils reprennent pas les musiques du film, elles chantent c'est pas... c'est pas vraiment en mode comédie musicale. Bon, ils ont bien dit que c'était pas une reprise du dessin animé, mais t'as toujours cette idée de dire, c'est un live action, quand même, donc ce serait bien de reprendre... On en fera peut-être un podcast, on verra, même si le podcast est pas lié au film, là, c'est vraiment une aparté, c'est vraiment sur les parcs, généralement... Mm-hmm. Je suis vraiment de ton avis opposé, quoi. C'est vraiment, pour moi, le live action doit se démarquer à fond de ce qui a été fait. Ça doit être une adaptation et pas une retranscription, en fait. Parce que, bon, après, on en parlera, oui, d'ailleurs. Après, c'est tout un débat et chacun a son avis, encore une fois. Mais ces films-là, on va dire que. Ils s'intéressent à un public autre qu'un public jeune, alors que les musiques que tu disais tout à l'heure. Il y a toujours un enfant qui va reprendre l'idée de la chanson Gaston, Je voudrais être roi, je suis ton meilleur ami, c'est la fête. Et puis le personnage est rigolo généralement quand il le reprend, etc. Mmh. Et tu as des films en fait où tu n'as pas de. Ou des films, des animés où tu n'as pas forcément de musique attachante ou attrayante. Et là, ça prend moins l'oreille, tu vois. Mmh. Tu prends La Belle au Bois dormant. Franchement. Ça, c'est dans les vieux Disney, les vieux classiques d'animation, il y a toujours plutôt que de plusieurs chansons, c'est une chanson vraiment qui marque le film, dans Pinocchio, par exemple, etc. Ouais. Mais quand même, imaginez à l'époque, au début, Blanche-Neige, ou même si on remonte encore plus loin, Steamboat Willie, la musique a toujours été la marque de fabrique de Walt et de l'entreprise Disney, quelque part. Et ils ont toujours mis autant de moyens dans la musique que dans, l'image et l'histoire. C'est bien joué, c'est bien pensé. Avec Steamboat Willie, ils ont carrément marqué l'histoire. Hein. C'est le cas de le dire. Et pour dire, c'est que certains dimanches, en aparté, on se fait un groupe watch sur Disney Plus avec Cédric. On a regardé Le Dragon Récalcitrant. Allez, on l'a regardé. 2 minutes pour en parler, après on continue. Voilà, c'est ça. Non, mais juste pour dire, du Dragon Récalcitrant, c'est l'histoire en fait de comment. Tu es dans les studios de Walt Disney. Sérieux ? Oui, sérieusement. Ça a l'air génial. Mais il est génial. C'est-à-dire qu'on en rigole avec Cédric, mais il est génial. Et en fait, t'as le gars qui arrive. Je vais regarder ça demain. Pour inspirer. Il arrive pour inspirer. Et on arrive à l'époque où il faisait Bambi et puis Dumbo. Et du coup, et on sort de Pinocchio, je crois. D'accord. À mon souvenir. Et il t'explique en fait de l'écriture, scénario, etc., dessin et de la musique. Il t'explique qu'il y a ils expliquent qu'ils prennent vraiment en compte la musique dans la narration du film. Vous avez vraiment bien fait de le mentionner parce que du coup, ça rentre pile poil dans ce qu'on est en train de dire. Et si vous voulez, si vous avez Disney Plus, allez regarder Le Dragon Récalcitrant. Allez voir Le Dragon Récalcitrant. Le film porte mal son titre. C'est les coulisses des studios Disney au moment où ils réalisaient tel ou tel film. Vraiment. L'histoire, c'est tout bête. C'est un gars, en fait, il est en train de lire un bouquin qui s'appelle Le Dragon Récalcitrant. D'accord. Et sa femme lui dit, vas-y, va le proposer à Walt Disney. Et puis il va dans les studios de Walt Disney. Il n'était pas très récalcitrant. Non, il n'était pas très récalcitrant. Non, au final, le dragon récalcitrant, faut le mettre de côté, mais ouais. C'est le reste du film qui est vraiment, mais réellement passionnant. Il faut vraiment le regarder. 15, ouais. Sur 1h15, tu as 10 minutes de dragon récalcitrant. D'accord, donc on est quasi sur. Et on voit Walt. Et tu vois même celui qui imite Donald, etc. Complètement. Les vrais. Mais il faut pas croire que c'est un dessin animé en fait. C'est une suggestion parce que personne ne parle de ce film. J'en avais jamais entendu parler avant. Tout le monde se moque de nous quand on en parle très bien, mais il est excellent. Il est excellent. Franchement, t'as bien fait de le mentionner. Réellement. Ouais, vraiment. Et sachant qu'il nous dit lui, vous avez 2 minutes pour parler de ce truc-là. Non, mais en fait, moi, je pensais vraiment que c'était un dessin animé classique, et là, vous me dites mais que non, ça rend complètement dans le sujet. Ce n'est pas un dessin animé. C'est un documentaire, effectivement, tourné sur la dérision, où le gars, il arrive et puis il fait. Un documentaire éducatif pour les enfants. C'est ça. Et d'ailleurs, on voit pas la. Pas pour les enfants. Hein. Oui, pour les fans de Disney et même en général du cinéma, comment ça s'est construit parce que Disney a amené ça quand même. Et ouais. T'expliques même la machine qu'ils ont utilisée à l'époque. La machine à l'époque pour faire la profondeur, tu sais, en plusieurs plans. Et oui, la caméra multiplane. Mais justement, tu la vois. Et ils t'expliquent comment ils font. D'ailleurs, il y en a une, il me semble, au Art of Animation à Paris. Donc, pour les petits férus d'histoire du cinéma, vous pouvez aller la voir. Et dans Le Dragon Récalcitrant, on continue à voir dans d'autres salles, vraiment des salles dédiées avec des orchestres, des bruitages et tout ça. C'est super intéressant, vraiment. Il faut le voir. Eh bien, ça sera fait. Ça le faire aussi. Donc, chers auditeurs, en rentrant du travail... Disney Plus, Le Dragon Récalcitrant. Et en toute honnêteté, on le survend pas. Non, on le survend pas. Non, pas du tout. Non, mais t'avais raison sur le fait que ce soit présent dès le début, parce que là, je repensais à Blanche-Neige, Hey-Ho, etc. Enfin, je vais le dire. Et en fait, dans Le Dragon Récalcitrant, et la musique, c'est celle de Steam, du Casier Junior. En fait, à l'époque de Dembo, c'est qu'ils avaient fait un court dessin animé. D'accord. C'est ça, hein, je crois. Mais on voit même des extraits qui ne sont même pas dans le dessin animé final. C'est vraiment un truc de fou, ce... Non, mais là, vous me mettrez, c'est pas possible à quel point vous me hypez pour le... Oula. Et pour... Oh, Rototo. Ça sera coupé. Voilà. Non, ça ne sera pas coupé, c'est naturel, ça. mais pour dire, c'est que tu as, comme dit Seth, c'est que tu es au tout début. C'est-à-dire que ce film, c'est la fin de Pinocchio, à mon souvenir. Et tu es à la fin de Dumbo aussi, du coup. Et t'es à l'immersion de Bambi. D'ailleurs, tu vois un peu des croquis de Pampan, hein, c'est ça, et de Bambi. C'est ça. Et direct, ils en parlent de la musique, quoi, et des bruitages aussi, parce que t'as la musique, t'as les bruitages, etc. Et tu suis justement la formation et du dessin animé, et t'as, comme dit Ced, t'as un coin où t'as un orchestre qui est là, en train de jouer, etc., avec un chef d'orchestre, d'ailleurs, qui est derrière, Non, c'est comme 17, c'est dès le départ, en fait. En fait, avec ce film-là, on se rend compte à quel point Walt misait vraiment sur la musique. À quel moment tu penses pour un dessin animé louer un orchestre philharmonique? À quel moment? Oui, effectivement. Il fallait déjà que le dessin animé en tant que tel soit accepté dans l'art du cinéma globalement. Donc, en plus, utiliser des moyens comme ça, comme tu dis, un orchestre qui pouvait faire des grandes musiques de films, etc. Mais ouais, c'est sûr qu'il a vraiment amené tout ce qui est animation à notre niveau, quoi. Ah, mais pour moi, j'imagine même qu'à l'époque, les longs films d'animation de Disney étaient même plus forts que certains films, réellement. C'est possible. Ah, ben j'en suis sûr. Mais l'amour de la musique, de toute façon, de Walt, tu vois, dès Fantasia aussi. Encore une fois, je fais un pont. Je vous renvoie vers le full animé des copains de Rien que d'y penser, donc du Label et la Bête, qui ont fait un super épisode sur Fantasia, ultra détaillé, avec toutes les infos et tout. Mais effectivement, cette volonté-là de faire un film d'animation sous fond de musique classique, pour la rendre accessible un peu à tout le monde, mais c'est... T'as la musique de Casse-Noisette. Oui. Alors, je ne saurais plus dire précisément... Une nuit sur le Mont Chauve. Exact. D'ailleurs, que tu vois DLP quand tu fais le... Oui, au Pays des Contes de Fées. Pays des Contes de Fées, t'as l'Ave Maria, t'as aussi l'apprenti sorcier. À savoir d'ailleurs, que ça c'est une anecdote que je pique aux copains de Rien d'y penser, justement, mais il était tellement soucieux de tout ce qui est musique et son qu'il voulait faire construire, en fait, il me semble, un système de un peu comme le Dolby Atmos, si vous voulez, ce genre de système-là, avec plusieurs enceintes pour répartir le son dans l'espace. Il voulait créer une salle de spectacle, enfin de cinéma comme ça, avec un système de son qu'il n'a pas pu faire parce que c'était beaucoup trop coûteux juste pour l'exploitation d'un seul film et qu'il n'était pas sûr que ça suivrait sur la lignée. Mais voilà, c'est vraiment, comme tu disais, Ced, Walt Disney a vraiment mis l'accent sur la musique à fond, quoi. Ben lui, il a compris qu'il fallait mettre autant d'argent, parce que c'est de l'argent, sur la musique comme sur l'image. C'est clair. Et t'as aussi il a eu raison, voilà. Et pour la petite anecdote, c'est que Fantasia, on est à l'époque peu après Blanche-Neige, hein, pour vous dire. C'est ça. Et à côté, il y a encore une fois, tu parlais de l'amour, celle de la musique de Walt Disney, mais t'avais les Silly Symphonies aussi, hein. Oui, mais oui, c'est carrément la base, là, pour le coup. Les Silly Symphonies sans musique, voilà, c'est juste Silly, quoi, c'est plus symphonie, tu vois. Mais non, voilà, tout est dit dans le titre. Voilà, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas de personnages récurrents, forcément. C'est vraiment chaque fois, c'est une petite histoire. Tu prends les trois avec le vieux moulin, d'ailleurs, qui se trouve à Disneyland Paris, qui est inspiré du court-métrage Le Vieux Moulin, qui est un des Silly Symphonies, il me semble. Oui. Et t'as aussi les trois petits cochons qui sont Silly Symphonies. Danse macabre, il y en a plein. Oui. Ah, d'ailleurs, les trois petits cochons avec qui le grand loulou, je sais plus c'est quoi la chanson, mais tu la retiens toujours un petit peu. C'est des musiques que tu retiens quand même. Hein. T'as le lièvre et la tortue aussi. T'en as plusieurs comme ça. Il y en a plein. Ouais. Et t'as les Silly Symphonies, c'est. C'est pour ça qu'on comprend que de son vivant, Walt, quand il a ouvert le premier Disneyland, il a amené ces musiques-là dans les parcs. C'est normal, c'est logique. C'est son amour pour la musique, ça a marché. Mais évidemment. Et aujourd'hui, c'est l'héritage qu'on a. C'est l'héritage et on a la chance, comme on l'a dit, d'avoir les parcs qui eux-mêmes prennent l'initiative d'être dans la composition, d'aller au-delà des musiques de films déjà existantes pour créer leur propre univers. Bien sûr. Et donc, pour aller un peu sur un autre débat, mais toujours lié à la musique... Donc, on sait tous très bien que là, on est donc en France et les Disney sont tous doublés donc en français. Et donc, c'était pour parler un peu des différences entre guillemets entre les musiques françaises et anglaises. Est-ce que vous préférez écouter vos musiques Disney en anglais, en français? Est-ce que vous voyez les différences? Par exemple, moi, je trouve, alors c'est mon avis, qu'en anglais, les musiques sont ultra narratives, alors qu'en français, on a tendance à les rendre un peu plus entre guillemets poétiques. Ça rend c'est toujours dans la narration, mais voilà, il y a pas le même langage, pas les mêmes. Voilà, c'était pour ce petit débat-là de VO, VF pour les musiques. Ce que vous en pensez, quoi. Je ne suis pas la VO, VF pour encadrer un peu le truc. C'est que principalement, quand je regarde un dessin animé, c'est avec ma fille. C'est un peu difficile de regarder en VO. Et je suis complètement d'accord. Moi, Disney, même encore aujourd'hui, alors que je regarde tous mes films vraiment live action, entre guillemets, en VO, je les regarde en VF parce que je suis habitué. Parce que c'est un dessin animé qui a un travail qui n'est pas présent sur la labiale, donc les doubleurs peuvent se permettre de se lâcher. Déjà, ça, c'est complètement différent. Et généralement, les Disney, mais c'est la Rolls-Royce du doublage, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je t'avouerais que écouter, par exemple, la chanson « Je suis ton meilleur ami » du génie, là, en VO, je pense que j'aurais moins la hype qu'en VF, quoi. Là où je me suis habitué aux chansons en anglais, où je l'apprécie, où je les apprécie, c'est justement au travers des parcs où il va y avoir certains shows où les musiques sont qu'en anglais, par exemple, et ça permet d'avoir comme ça ce doublon. Après, voilà, moi, ça dépend vraiment des musiques. Je sais, par exemple, que I See the Light, là, dans Réponse, je la préfère en anglais. Il y en a d'autres que je préfère en français. C'est vraiment dépendant, quoi. Il faut avoir cet instinct de regarder en VO aussi. Hein. Avoir la curiosité quand vous regardez un film, par exemple, d'animation ou peu importe, juste 5 minutes, switcher dans les options pour voir ce que ça donne français, anglais, et après vous repassez en français, il n'y a pas de souci. Japonais, par exemple, ça peut être drôle aussi, non? Oui, vous pouvez faire toutes les langues. Après, moi, je rajouterais là-dessus, c'est que ce serait qu'une musique, évidemment, le message n'est pas forcément bien compris, bien traduit, bien. Voilà. Mais comme là, on parle d'un film, c'est une musique qui accompagne l'image. Des fois, c'est pas exactement le même message, mais avec l'image, on comprend totalement, en fait. Ah oui, c'est clair. Et je ne pas, voilà, parce que entre les voix qui sont bien ou pas bien, ça c'est une chose, mais le texte en lui-même, même si c'est pas exactement le même, on comprend quand même le message important. Le message, le ressenti. Par exemple, Can You Feel the Love Tonight, qui est traduit par L'amour brille sous les étoiles, c'est voilà, c'est la même chose au final. C'est pas pareil dans le texte, mais dans le message dedans, oui, c'est pareil. C'est clair, exactement. C'est clair. Voilà. Voilà. Puis la façon de chanter, des fois, t'as l'impression que la chanteuse, elle est plus agréable à entendre en VF qu'en VO. Ça, c'est bizarre. Des fois. Ou inversement. Bon, c'est plus l'inversement, c'est plus en VO qu'en VF. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Oui, c'est ça. Ça dépend des goûts de chacun. Par exemple, réponse, je préfère en français. Après, voilà, ça dépend des. Mais pour pouvoir comparer, il faut vraiment avoir ce réflexe de se dire bon, bah tiens, je vais regarder celui-là en VO, ce dessin animé en VO. C'est ça, ou même voilà, juste de les écouter indépendamment, mais ouais. Et du coup, pour prolonger ce débat-là un peu et retourner rapidement sur les parcs, pour vous, c'est quoi l'équilibre d'un bon show au niveau musique? Est-ce qu'un show tout en anglais, ça vous va? Ou est-ce que switcher entre français et l'anglais, c'est bien aussi? Ou alors proposer plusieurs shows, une représentation en français, une représentation en anglais? Parce qu'on sait qu'on est à Paris, donc au centre de l'Europe, que c'est vraiment une destination européenne où il faut trouver un peu l'équilibre pour que ça plaise à tout le monde, que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi. Donc c'est pas toujours facile à Paris de gérer ça, ce truc-là de VO, VF. Allez, vas-y, l'invité. Allez, Seth. Allez, Seth. Pour moi, Max, t'as tout dit. En fait. Ouais, voilà. On est en Europe. Ce serait un parc parisien, ça me gênerait. Là, on est un parc européen. À la base, c'est Euro Disney. Hein. Donc, pour moi, ça me choque pas qu'il y ait de l'anglais. Première destination d'Europe. Ben oui, première. Ouais, complètement. À savoir qu'un show comme Les Rythmes de la Terre, tout est en anglais, mais je veux dire, il y a de la mise en scène, encore une fois. On comprend ce qui se passe, on connaît le film, on connaît le déroulé on ressent surtout ce qui se passe. Et parfois, l'anglais n'est pas un choix de Disney, mais c'est parce qu'ils ont recruté que des gens qui parlent anglais, pas forcément très bien français. J'ai envie de dire, s'il y aurait un accent et tout ça, ça poserait problème au niveau de la compréhension pour les gens, je dis bien. Après, moi, j'ai souvenir de shows où il y avait du switch anglais-français. Ah oui, complètement. Même au niveau des dialogues. Mickey Magicien, le génie, il parle anglais-français. Hein. Enfin, exact. Il me semble avec un accent français, des fois c'était limite compréhensible, mais en fait ça dépend si on peut comprendre genre pour un français qui ne parle pas anglais, alors, si on peut comprendre le message ou pas. Voilà. Généralement, j'ai remarqué dans les shows Disney où il y a de l'anglais et du français, en fait, ils font toujours en sorte que ce que dit la personne en français, quand c'est dit en anglais après, c'est quasiment répété ou reformulé en fait, ce qui fait qu'au final les deux langues comprennent et ça pose pas de problème. Moi, ça me choque pas. Moi, je suis pour qu'ils continuent comme ça en vrai. Oui. C'est très bien. Très bien. Et même des fois, ils vont commencer en anglais et ils vont répondre en français et inversement. Oui, c'est ça, et du coup, on prend le dialogue au final. On prend toujours dans la logique des choses, quoi. C'est ça, ouais. Complètement. T'es pas largué, quoi. Et puis, inconsciemment, quand on visite un parc Disney, même si c'est en anglais, on connaît quand même la version française parce qu'on a souvent vu le film ou l'animé ou autre. C'est ça. C'est un tout, en fait. Voilà. Et dans nos têtes, on a la scène déjà. Donc on comprend. Oui, voilà. Et puis l'enfant, quand il regarde le spectacle, il regarde plutôt les danseurs, les personnages. Oui, c'est ça, puis, ouais. C'est, ouais. Et le show, même sans la musique, on le comprend aussi parce que c'est bien amené en général. Donc voilà. C'est clair. Donc est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour ce qui est des musiques de films en général? Je sais qu'à un moment donné, on voulait dévier vers les musiques qui ne sont pas chantées mais orchestrales. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire dessus, si ce n'est qu'elles sont aussi incroyables. Voilà. Bah, si ce n'est que dans un animé, on met autant de budget que dans un film blockbuster. Toujours. Pour une séance de la Reine des Neiges, par exemple. J'ai même recherche, Hans Zimmer, qui a fait des recherches, par exemple. Pour le Royaume, qui allait faire des recherches pour retrouver les sonorités vraiment d'Afrique, etc. C'est tout un travail. Bon, si on devait résumer quand même, allez voir Le Dragon Récalcitrant. Voilà. Oui, ça, c'est le résumé de cette partie d'annu. Et on ne le survend pas. Vous avez intérêt. Réellement surpris. Voilà. Benji, je vais le voir. Si au prochain enregistrement, si c'est nul, au prochain enregistrement, ça va très mal se passer. Et le pire, c'est que tu vas adorer parce que tu adores le cinéma. J'en suis sûr. Tu adores le cinéma. Et pour vous dire, il n'y a même pas. Allez, c'est 10 minutes de Dragon Récalcitrant. De dessin animé. Voilà, c'est en plus, cette séquence-là est drôle. Voilà. Oui, en plus, c'est drôle. Ouais. Voilà. C'est ça. Bien, c'est ça. Alors, on va pouvoir passer au deuxième défi qui ne concerne que Cédric. Oh, dommage. Merci. Ouais, dommage. Pourquoi? Parce que c'est le traditionnel. Cédric, est-ce que tu connais les traditions de Max et Benji? Oui. C'est le. Mais j'ai pas envie. C'est le quoi? Non, mais je te demande. Ah, le nom, je sais plus. C'est le Rapido. Ouais, c'est le Rapido sur lequel il faut que je me rattrape. Benji m'a dit que j'aurai l'occasion de me rattraper, donc tant mieux. Oui, parce que j'en ai fait un nouveau pour toi, mais je te ferai la surprise. Alors, le Rapido, c'est très simple. Je vais laisser Benji expliquer les règles. Ok. Règle numéro 1. Le Rapido a pour objet de te connaître. Donc, on va te faire deux propositions. T'en choisis qu'une seule. Si je te dis chien ou chat, tu choisis chien ou chat. Okay. Tu dois en faire un maximum. Okay. En tous les cas, si vous me demandez entre Max et Benji, moi, je choisis Max parce que Benji m'a battu. Voilà. Au premier défi. Attends. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Vous avez une réponse si jamais c'était la question. Tu peux pas choisir entre Max et Benji, c'est Max qui doit être choisi. Ouais, donc ça sera suivi, comme dit Benji, d'un petit débat où on va faire une petite pause et parler un peu de tes préférences, etc., pour mieux te connaître. Ouais. Est-ce que c'est Dreams, c'est prêt? Je suis tout oui. Et top, c'est Dreams ou c'est Tree Dreams? Je suis moins oui. Non, mais il faut que tu répondes rapidement, en fait, c'est le but, il y a un chrono. Ouais. C'était la première question? Bah, c'est Dreams. Je change 5 secondes quand même. Film ou parc? Parc. Ok, voiture ou train? Voiture. Passe ou billet? Passe. Attraction à sensation ou familiale? Familiale. Frontierland ou Adventureland? Frontierland. Plaza Garden ou Cracker Café? Plaza Garden. POTC ou PM? J'ai pas entendu. POTC ou PM, donc Pirates des Caraïbes ou Phantom Manor? Phantom Manor. Star Wars version 1 ou version 2? 2. Restaurant ou boutique? Resto. Les frères Sherman ou Alan Menken? Sherman. Star Wars ou Marvel? Marvel. Réponse ou la Reine des Neiges? Réponse. Maxime ou Maxime? J'ai pas entendu. Maxime ou Maxime? Maxime. Tiger ou Michael Eisner? Eisner. Disneyland Paris, avant ou maintenant? Futur. maintenant. Maintenant. Space Mountain ou Hyper Space Mountain? Space. Ouais. Emporium ou World of Disney? C'est la dernière. Emporium. Stop. Emporium. Ouais, ok, 18. Ouais, c'est bon, j'ai compté. Hein. Ah, dommage, ouais, 18, il a 18. 18. Max, t'es toujours devant lui? C'est bon? Yes. Est-ce que ça t'a plu, ce petit défi? Oui. T'auras remarqué que je t'ai fait des questions un peu... Voilà. Le Maxime ou Maxime, c'était la meilleure. C'était la meilleure. Oui, oui, ouais. J'ai envie de parler de celle-là déjà. J'ai fait exprès, je voulais t'embrouiller. Je me suis dit, rapido, ok, mais rapido avec des embrouilles dedans, des embuscades, c'est encore... Et à un moment, j'ai cru mal entendre parce que je croyais que tu parlais de Maxime ou Maximus dans réponse. Voilà. Non, non, non. Respecte-moi un minimum. Même si on sait que Max est un bel étalon. Voilà. Alors. Italien. Pas du tout. Aiguille. Bon, bref. Aiguille, le pauvre. Bon. J'ai noté quelques points où il a été ferme quand même et d'autres où il a été un peu plus hésitant. Mmh. Je pense qu'un de nos copains n'aura pas ça à ton choix dans à Main Street Actu. Tu avais le choix entre Bob Iger et Michael Eisner. Michael Eisner, on pense à Olivier. Olivier, on pense très à toi. Fort. Ouais. T'as dit Michael Eisner, pourquoi? Ah d'accord, t'as pas d'explication, t'as dit au hasard. Donc en fait, tu réponds à nos questions, mais au hasard, quoi. Non, il me parlait un peu plus, on va dire. Voilà. Ouais. C'est vrai, je sais pas. Ouais. Bah, le renouveau des années 80, c'est quand même... C'est Bob Iger. Bah, Michael... Bah non. Non, excuse-moi, c'est l'heure qu'il est... Il est 23h12. Regardez, se coucher. Non, mais la plupart des personnes choisissent Bob Iger. Bob Iger, on pourrait le critiquer dans le sens où bah, ça a été un excellent PDG qui a remis la boîte dans une gloire, on va dire. Oui. Mais il a accentué la politique des licences. Et ça, je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes. C'est pour ça qu'il peut aussi être critiqué. En fait, les deux sont critiquables. Donc, ouais, c'est vraiment un bon débat, ça. Mais en vrai, le choix était difficile. Ouais. Ok. Ouais. Quand tu as posé la question Disneyland Paris avant ou après ou maintenant, il t'a répondu futur. Futur, ouais. Ouais. Pourquoi? Bah, vu les projets qu'il y a à Disneyland Paris, tout simplement. Avant, non. Après, ça dépend. Tu parles du land qui me sera avant. Entièrement dédié? Ouais, complètement. Mais, tu parles du land royal. Et le mien aussi. Mais avant, avant quoi? Ça dépend. Il n'y avait pas assez de précision pour moi. Oui, ouais. Mais justement, pour toi, qu'est-ce qui est d'avant? Qu'est-ce que maintenant? Qu'est-ce que futur? C'est ça la question. Est-ce que c'était mieux avant, quoi? C'est voilà, le vieux débat. Ouais, mais pour moi, c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu, en fait. Je suis d'accord. Oui. Ouais. Parce que avant, ouais, il y avait certaines choses qui étaient bien, d'autres moins bien. Aujourd'hui aussi, et peut-être que dans le futur aussi. Mais le parc tel qu'il est, bon, hors crise, il est très bien. Et il va s'améliorer, et on le sait avec les projets. Donc, C'est un parc qui va s'améliorer, c'est le studio. Oui, oui et non, parce que... Ça sera en constante évolution. Ça dépend sur quelle échelle du temps tu places ça. Tu mais vois. Non, mais ne serait-ce que les rénovations, je suis désolé, mais avant, le parc était, entre guillemets, à l'abandon pendant 10 ans. Il était, ouais. J'ai retrouvé des photos de BTM catastrophiques, ouais. Quoi, d'une certaine époque. Mais... C'est pour ça, je dirais maintenant. C'est pour ça que je dis maintenant, en fait. Ouais. l'impression qu'ils ont utilisé un peu la période du Covid pour, aussi, pour, ouais. tout, pour tout rénover, tout briquer, etc. Et genre, c'est, ils ont pris l'opportunité d'avoir fermé pour faire cela. Mais t'as toujours ces... C'était, j'ai toujours l'idée de me dire qu'ils l'ont fait parce que les 30 ans arrivent. Voilà. Ouais, mais ça a quand même démarré avant, hein, avec le fameux plan de retour à la machine. Ce qui fait plaisir, c'est que depuis ce plan-là, les rénovations, réhabilitations, repeintes, etc. n'ont jamais arrêté. C'est-à-dire que c'est toujours en constant entretien, contrairement à avant où on avait une attraction qui était rénovée, on l'a laissée pourrir. Ça, ça a démarré, ça a démarré avant les 25 ans. Ouais. Tu prends comme en Buzz l'éclair, c'était ça. Hein. Ils avaient fait un super truc et puis on l'a laissé pourrir. Jusqu'à la fuite, quoi. Donc, ouais, jusqu'à que la fuite, ouais, jusqu'à que ça pleuve à l'intérieur. Je pense que c'est reproché à Disneyland Paris. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris et que ça continuera. Alors là, c'est un gros plan parce que oui, pendant 10 ans, ils n'ont rien fait. Ils savent que leurs nouveautés vont mettre du temps à arriver. Mais c'est pas pour autant qu'ils font rien. Ils proposent toujours une offre différente des saisons, des spectacles. Des spectacles qui sont pas des petits spectacles. Les Rimes de la Terre, c'est un truc qui pourrait nous être envié aux États-Unis. C'est d'ailleurs le cas de Mickey le Magicien. Voilà, c'est, on a vraiment... Et là, j'ai même envie de rajouter, c'est pour ça qu'on est passé par une période, entre guillemets, de palissadeland, parce que pendant 10 ans, ils n'avaient pas fait grand-chose. Merci pour les palissades, creustons-là. Ouais, mais il faut rattraper le truc. Donc, il y avait des palissades partout, on va dire. Mais maintenant, il y en aura un peu moins quand tout sera fini. Il n'y en aura que par secteur, enfin, secteur, et puis voilà. Non, je pense que maintenant, aujourd'hui, les DLP a une bonne dynamique. Elles sont belles, les palissades, attends. Oui, elles sont belles. Elles sont belles. Thématisées. Thématisé. Bah, c'est mieux que les palissades vertes, en tout cas. Et t'as aussi le parc, en fait, ce qui est appréciable, c'est qu'ils auraient pu ne rien faire. C'est-à-dire laisser fermer et puis rien faire. Ouais, ce que je disais. Ouais, complètement. Et en fait, tu regardes, leur chaîne YouTube n'a jamais autant fonctionné. Avant, c'était mort, il n'y avait rien. Leur chaîne YouTube, t'avais un reportage sur Peter Pan, c'était intéressant, où t'apprenais pourquoi le crochet du capitaine Crochet était à droite plus qu'à gauche, donc tu comprends pourquoi. T'apprends que le nombre de pièces d'or qu'il y a à la fin de Pirates des Caraïbes, etc., etc. Et ils ont toujours continué, malgré le confinement, à bien travailler, enfin du moins à rénover et à repeindre tout ça. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils ont toujours été chercher de l'évolution, à utiliser les réseaux sociaux, à communiquer, etc. Ils sont pas restés. Et via les réseaux, je donnerais une mention spéciale à l'ambassadeur. Oui. Ah oui. Et pour l'anniversaire, par exemple, on était tous devant, pour les 29 ans, on était tous devant à regarder ce qu'ils avaient présenté. Et tu avais certains qui disaient « Oui, mais non, on n'apprend rien, etc. » Mais on s'en fiche, on voit l'intérieur du Disneyland Hotel, on n'avait pas d'aussi belles photos, on en prend un petit peu plus sur le parc, notamment sur la musique, sur la participation de Tom Holland, sur la façon dont ça va être, etc. L'entretien même avec le PDG, le premier PDG du parc, hyper intéressant. Oui. Où tu apprends qu'en fait, c'était grâce à Jacques Chirac que maintenant le vin rouge est arrivé. Alors ça, cette anecdote, est-ce qu'on en parle? Et tu vois des cast members, là, il y avait un... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était pas Marc. Ou Yvan, moi je sais plus. Yvan, il me semble. Ouais, et qui t'explique en fait que lui, là, depuis le début, il a vu la chose évoluer et il t'explique, tu vois, que lui, le parc, ça fait partie de sa famille, tu vois. Enfin, c'est quelque chose pour lui. Et c'était mieux que rien. Franchement, ils auraient rien fait pendant un an, il y aurait eu autant de monde à réserver à la réouverture. Et là, c'était vraiment pour contenter les fans de Disney ou du parc et ça fait plaisir qu'ils fassent ça, franchement. Oui, juste revoir le parc en image, c'est bien. Et puis quand ils disent, voilà ce qui. C'est toujours le problème, c'est que avec Disneyland, c'est qu'ils annoncent quelque chose. Donc, au lieu de s'en contenter et d'apprécier ce qui nous est donné, beaucoup de gens, et je le dis, et je pense que pas le seul à le penser, c'est que arrêtez. Déjà, ils ne sont pas restés à rien faire. Ils ont rénové le parc un maximum. On va arriver, on aura des nouvelles attractions. Alors les gens vont dire oui, c'est Cars, c'est Tram Tour en plus petit. Et alors? Il y a de la volonté, t'as de la volonté, etc. T'es pas content, okay. C'est vrai, ils auraient pu tout arrêter, c'est vrai. Ils auraient pu laisser continuer comme ça, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait. Et là, on aura un château tout beau. Alors les gens, oui, on va voir les bâches. Ben oui, mais c'est normal, tu vois les bâches. Je veux dire, c'est normal d'avoir un regard critique sur la destination, mais il faut savoir juste apprécier ce qu'on nous propose aussi, et pas être aigri dans le sens où chaque petit détail... on va trouver un moyen de le contredire, etc. Il y a toujours quelque chose à dire. C'est un peu malsain comme vision des choses. Il faut prendre en compte que c'est un parc qui est ouvert en temps normal toute l'année, tous les jours de l'année, vraiment. Il n'y a pas de jour de fermeture normalement. Donc évidemment, il y aura toujours des travaux quelque part, et ça sera tout le temps, et c'est dans tous les Disneyland du monde, vraiment. Mais bon. Oui, et puis ils font avec ce qu'ils peuvent. Hein. C'est quand tu vois que c'est une vraie usine quand même, parce que dans les reportages que tu regardes, les pépiniéristes ou les paysagistes, ils sont toute la nuit en train de couper l'herbe. C'est la nuit, nous, on dort soit à l'hôtel Disney, soit aux alentours. Et il y a quand même des gens, c'est une usine qui travaille la nuit. Il y a des gens qui bossent derrière, qui apprécient, etc. Avec mon épouse, on connaît un cast member qui, lui, en fait, lui, son boulot, c'est de rénover les trains du BTM, tu vois. Quand il t'explique, il nous a expliqué l'arrivée du wagon, combien de temps il faut pour le démonter, le remonter, briquer les pièces, etc. On a appris, par exemple, que certaines pièces étaient brevetées, tu vois, mais qu'on ne peut pas non plus monter le chariot n'importe comment. Et quand il t'en parle, c'est avec amour et passion de son métier, et puis avec amour et passion du parc. Voir des gens derrière qui ne voient pas ça, enfin des guests qui ne voient pas ça, tout l'amour que certains cast members qui s'arrachent pour qu'on puisse nous profiter un week-end, etc., pour, en famille ou entre amis, pour apprécier un moment de détente, pour oublier les problèmes, etc. Voir que la critique est facile, comme ça, ça me gonfle. Personnellement, ça, c'est gonflant. Oui, on peut critiquer, il n'y a pas de difficulté. Mais il faut que tout ça reste une passion, il ne faut pas rentrer non plus dans le négatif constamment. Quoi. Oui, c'est-à-dire que tu peux dire, les 29 ans, c'est ça qui est plus choquant. Ils font... l'initiative, allez, c'est fermé depuis un moment. On va vous faire profiter de quelques images du parc pendant la fermeture. On va vous interviewer. Il y a du travail derrière. On va vous faire interviewer des guests qu'on ne connaît pas forcément. On va avoir quelques anecdotes, voir que la plupart, beaucoup de gens, pas la plupart, mais pas tout le monde, non, mais pas bien. Mais ils sortent. Oui, enfin ça, on savait qu'ils allaient voir Cars Tour. Oui, mais ça, on savait qu'ils vont ouvrir. Oui, mais c'est ça. Mais le problème, c'est aussi que certains fans, en fait, ont une vision des choses, mais que dans le cercle, justement, fans. Ils vont pas penser plus loin que Disneyland Paris fait les choses pour les fans, alors que pas du tout. Disneyland Paris fait ça pour le public en général, en fait. Donc, Et il ne faut pas oublier que la plupart, ce sont des gens qui ont des passes annuelles qui font ça. Oui. Mais il n'y a pas que des passes annuelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils contentent des gens que pour le pass annuel. Tu prends le spectacle de la Reine des Neiges qu'on a eu. Nous, on ne l'a pas trop apprécié parce qu'on s'est dit, voilà. Oui. Mais tu prenais des gens qui avaient un billet juste un week-end, ils ont adoré. Mmh. Et tu comprends, en fait, parce que tu te dis, ce genre de spectacle, effectivement, il va plus plaire à quelqu'un qui vient une fois dans l'année que quelqu'un qui vient tous les week-ends. Je nuancerai en disant qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que ça ne les empêchait pas non plus, par exemple, de faire un truc. Encore mieux, mais oui, effectivement, de là à pinailler, à venir sur les réseaux dire n'importe quoi, non, il ne faut pas exagérer. En fait, il faut que la critique soit constructive. C'est ça. Juste dire c'est nul, c'est bien, c'est nul, ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Oui, mais on connaît tous quelqu'un qui n'est pas forcément fan de Disney, qui aime bien le parc une fois tous les deux ans, tous les trois ans. On connaît tous quelqu'un qui est même jamais allé et qui rêve d'aller à Disney et qui, je suis sûr, sera émerveillé par le parc. J'en suis sûr. En lui-même, même sans saison, rien, le parc en lui-même est incroyable. Bien sûr, il n'a pas besoin des saisons. Il n'a pas besoin des saisons, en vrai. Non. Les saisons sont là pour satisfaire les fans Disney et pour booster encore un peu plus les ventes de billets. Mais sinon, le parc en lui-même, il resterait pareil toute l'année, mais il y aurait du monde. Hein. Mais c'est sûr. Complètement d'accord. Puis le parc, il ne faut pas oublier, certes, il y a les passes annuelles, mais c'est surtout les gens qui viennent payer leurs billets. Hein. Ça coûte 3-4 jours à réserver l'hôtel. Hein. Ces moments où les Espagnols étaient là. Généalement, il y a beaucoup d'Espagnols. Je crois que c'est d'ailleurs les Espagnols qui vont venir, comme les Belges, etc. Quand ils arrivent, ils prennent une semaine au Santa Fe ou une semaine au Davy Crockett. Et puis, la carte bleue est chauffe et ils sont pas abonnés. Hein. C'est ce genre de public aussi qu'il ne faut pas oublier qui est visé. Hein. On a tendance à oublier parfois que ce n'est pas Disneyland Paris, mais c'est Euro Disney à la base. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as eu d'autres petits points d'hésitation pour terminer un peu sur le rapido? Oui, il y avait Frontierland ou Adventureland. Il a dit fermement. Ah non, il n'y a pas d'hésitation. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu d'hésitation. Il a dit clairement Frontierland. Même si j'adore beaucoup Adventureland, C'est fou à quel point c'est un land qui revient extrêmement souvent dans les landes préférées des gens, quoi, Frontierland. Et je le comprends puisque c'est le mien aussi. Mais... Je ne parle pas que par sa beauté, parce que oui, le land est beau, mais Adventureland, enfin tous les noms. Je sais ce que tu vas dire, la cohérence du land, etc. Voilà, voilà. Puisque justement, on parlait des fans ou non fans de Disney ou qui connaissent pas trop le parc, nous on le connaît. Donc à partir de là, Frontierland a toute une histoire qu'il faut vraiment découvrir pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas. Et à partir de là, forcément, Frontierland est mon land préféré, évidemment. Discoveryland de nuit. Alors, au niveau beauté, Discoveryland de nuit. Mais alors, attends, de nuit, j'aime beaucoup Adventureland, par contre. Ouais. Mais par contre, il est très sombre. C'est ça qui est un certain point. Moi, c'est ce que j'aime. BTM de nuit. BTM de nuit. Alors, BTM de nuit, oui. Tout le long de nuit, je mettrais Adventureland, par contre. Comme quoi. Pourquoi? Pour les coins sombres qu'il y a, c'est pour ça? T'aimes bien? Parce que non, mais c'est vraiment, justement, mais c'est le côté inquiétant au niveau de pirates et tout ça. C'est... Enfin, je trouve que c'est bien. Ce qui est agréable, c'est les torches. C'est les torches. Les et tout. Ouais. Et puis l'arbre de Robinson illuminé, ouais, c'est... Ah. Aussi au niveau du colonel Lattis avec toutes les petites loupiottes là qui sont sur la terrasse. Ah oui. L'arbre des Robinson, pour ne citer que lui, il y en a plein qui disent ouais, c'est pas terrible et tout ça. J'adore. Allez là-haut, j'adore. Allez voir le point de vue et surtout ouais, le soir. J'ai fait il y a des années de ça un podcast avec Éparcurien sur notre top des attractions préférées. Donc c'était il y a des années puisque DLP Podcast, maintenant ça commence à vieillir. Ma cinquième avec place. Avec une pause de 2 ans. Ma cinquième place, c'était. J'avais mis en fait toutes les attractions qui se font à pied en fait. Et donc j'avais mis le Nautilus, la cabane de Robinson, tous les détails du Nautilus qui font. Le fort qui est à l'entrée de Frontierland, pour moi, partie de mes attractions préférées. Et j'avais tenu à les mettre en cinquième position parce qu'on ne pense pas forcément y aller, mais c'est juste génial en fait. Mais merci de les citer, franchement merci. Ah ouais. Le Nautilus, les détails quand tu vas à l'intérieur. Moi j'adore, juste m'arrêter, essayer de lire les cartes, de pas les laisser en lire parce qu'on ne comprend pas toujours, mais juste s'imprégner des détails. Quoi. Et aujourd'hui, si on est fan du parc, on sait que le Nautilus, c'est un des derniers endroits de l'histoire originale de Discoveryland. À savoir qu'ils avaient pensé à une époque, il y a eu un concept art où ils avaient pensé carrément à faire un restaurant du Nautilus. Ça aurait été vachement sympa aussi. Ça aurait été bien. Voilà, ça. C'est la petite anecdote. Bien oui, mieux, je sais pas, mais bien oui. Ça aurait été trop bien. Puis en plus, j'adore le film. On en reparlera tous les trois dans un Disney oublié dans quelques temps. Oui. Voilà. Je vois quel film. Ça en fait des choses. ça en fait. C'est trop bien, un Disney oublié. Oui, je confirme. T'as pas d'autres points donc pour le. Sinon, il y avait. Attends, j'avais retenu. On a le temps. Attraction familiale ou attraction à sensation. J'ai hésité. Voilà. T'as hésité alors. Il a pensé à BTM et. Ouais, c'est ça. Bah, BTM, tu la considères comme quoi en fait? Pour moi, pour BTM. Familiale. Ouais. J'ai dit familiale pour BTM. Enfin, pour moi, elle est familiale, mais en même temps, il y en a qui la considèrent en sensation. Pour moi, c'est familial quand même. Ouais. Dans ces cas-là, si on la considère vraiment familiale, je préfère familiale. Enfin, en soi, si on veut être strict, c'est sensation. Mais moi, je la considère comme familiale. Bah, mettant BTM en familiale, pour moi, je la considère. Du coup, je préfère les attractions familiales, genre Hollywood Tower, Hyperspace Mountain. Je les fais quasiment jamais, on va dire. Ouais. Ah d'accord, tu fais pas. Je trouve que les attractions à sensation, on a moins l'opportunité d'être dans la narration justement. C'est-à-dire qu'un roller coaster, une fois qu'il est lancé, c'est très compliqué de prendre le temps de construire des décors auxquels l'œil va s'habituer, etc. Donc nous qui aimons, justement, on en parle depuis le début, l'immersion, la narration, c'est peut-être aussi pour ça qu'on préfère tout ce qui est familial à sensation. Quoi, par exemple. Alors, au niveau narration, je mettrais quand même Hollywood Tower à part parce qu'elle est vraiment bien construite. J'allais le dire, oui. Ouais. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais après, quand j'ai mis sensation, du coup, j'ai choisi familial, c'est parce que sensation, on va parler de maladie, hein, donc je suis souvent malade. Voilà. Comment ça? Tu te ferais caca dessus dans les attractions? Alors, je vais le défendre parce que je suis un peu pareil. Ouais. Voilà. C'est dur, on va dire que même quand coaster, je regarde Chimérion et après qui va. Mais Crush Coaster, moi je vais le faire à m'en remettre. Hein, voilà. Crush Coaster, je l'ai fait 3 fois dans ma vie. J'étais petit, on m'a forcé à le faire. C'est faux, on ne m'a pas forcé, mais je ne savais pas à quoi je m'attendais. Je ne le referai plus. À ce point? Space Mountain, je l'ai fait une fois quand j'étais petit. Je m'étais, pendant 3 jours, je n'avais littéralement plus de voix. Et vraiment ultra mal aux épaules. Je ne l'ai pas refait depuis. Je compte le refaire pour le coup, puisque j'ai fait Indy pour la première fois il n'y a pas longtemps et ça m'a plu. Pareil, la tour. Il est très court. Hein. Je l'ai faite pour la première fois l'été dernier pour la réouverture. J'ai trouvé ça fantastique. En fait, j'avais peur avant, mais c'est vraiment. Voilà, la tour pour moi, c'est génial. Mais c'est rentré dans mes attractions préférées dans le top. Hein, mais... Ah oui, alors donc, pour toi, c'était plus une histoire de peur que moi, c'est une histoire que je suis malade. Et j'aime bien, mais je suis malade. Ça dépend. Moi, Crush, par exemple, c'est aussi, c'est pareil. C'est une histoire de ça me met pas bien, quoi. Donc voilà, c'est plus ça. Ouais. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Nickel. Et le fait qu'il est quatrième, voilà, qu'il est après toi. Donc tu es plus fort que lui. Donc voilà. On est quand même sur une réponse que j'ai dit entre billet et passe. J'ai dit passe, même si en ce moment je suis billet, mais j'étais longtemps passeport et je le serai sans doute plus tard. Voilà. Okay. C'est pour ça que j'ai dit passeport alors que je suis billet en ce moment. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap vite fait classement des rapidos? Oui. Alors premier Pauline. Pauline, alors petite parenthèse, vous pouvez retrouver donc là c'est un classement des rapidos en général tout ce qui est Max et Benji. Donc vous pouvez aussi retrouver les lives Max et Benji, comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, sur Instagram, donc sur Famille DLP ou Max Valpic. Vous avez tous les liens en description, vous vous embêtez pas à retenir ça. Donc voilà, c'est un classement qui est valable sur tout ce qui est live, Instagram, podcast, etc. Live YouTube aussi. C'est ça. Tony, deuxième avec 25 points. Max, 24 points, donc troisième. Sur le podium. Voilà. Cédric, quatrième avec 18 points. Et Johan, cinquième avec 15 points. J'ai battu Johan ? Ouais, j'ai battu Johan. Voilà. Ah, tu pourras. Voilà, Johan, Hyperion Studio, si tu nous entends. Et si un jour on a un invité en doublon, tu vas devoir y passer aussi, Benji. Oui, à vous, ouais. Oui. Et on verra. Et ça va bien, il n'y a pas on verra. On verra, je me porterai malade. Donc on va pouvoir passer à la dernière partie de ce podcast. On va revenir sur le parc, on va revenir à Disneyland Paris, mais cette fois-ci pour parler plus précisément des musiques des saisons. Aussi complètement partie, peut-être pas, enfin si, de l'immersion, mais de l'immersion en fonction des saisons, quoi. Cette fois-ci, c'est ce qui rythme la vie du parc au fil des ans. Il y a des nouveautés un peu, pas chaque année, mais voilà, ça fait aussi partie de l'histoire du parc. Donc, pareil, on va débattre, pas de questions précisément, mais si vous avez des musiques de saison qui vous ont marqué à travers les époques, on peut même parler des saisons un peu en général, hein, on peut divaguer si vous préférez généralement tout ce qui est lié à nos. Si vous préférez généralement tout ce qui est lié à Noël, Halloween ou les célébrations, etc. Voilà. Les musiques qu'on retient le plus souvent, c'est généralement celles des saisons qu'on préfère. Oui, complètement. Si tu préfères Halloween, tu... Enfin, ouais. Par exemple, généralement, c'est les musiques d'Halloween qui t'arrivent dans la tête. Après en y réfléchissant, bon, après nous on est fans, donc forcément. Moi je suis pas forcément d'accord. Ah, moi, je retiens un peu tout. C'est bon. Je retiens un peu tout. Moi. Parce que la saison d'Halloween est loin d'être ma préférée. Je sais qu'il y en a plein qui sont pour la saison d'Halloween, qui la poste en top 1 et tout ça. La saison d'Halloween pour moi c'est pas ma préférée, mais ceci dit, la musique Vive la vie, je la mettrais dans les meilleures. Voilà. C'est clair. Donc comme quoi c'est pas forcément corrélé avec l'amour de la saison. On va la faire autrement. Quelle est ta saison préférée ? Alors, en ce moment, c'est Noël, dans les saisons qui existent. Donc, et top, et ta chanson préférée ? Bah, Christmas is here. Voilà, voilà. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la saison d'été était top. Et il y a quelques années, la saison du printemps. Et je ne l'oublierai jamais, celle-là. On est d'accord. La saison du printemps existerait encore, je la mettrai en top 1. Voilà. Les taupières étaient magnifiques, c'était génial. Mais la musique... Les musiques dans l'esprit de Mary Poppins, ne l'oublions pas, celle-là. Vraiment. Je suis d'accord. Avec ce show-là sur Main Street où tu avais des gens déguisés en habitants, c'était génial. Et complètement. C'est là où on découvrait le train aussi, le fameux train de Mini. Mais le train de Mini, à la base, vient des 15 ans. C'était le train des 15 ans, ça a été le train des 20 ans, ça a été le train de Mini, ça a été le train de tout et n'importe quoi. Oui, je suis d'accord, mais il a beaucoup. Oui, mais ça fait du bien de le revoir. C'est quand ils ont sorti. Mais oui, ils ressortir. T'avais des gens, ils refont du neuf avec du vieux, machin. Mais au moins, c'est cool, quoi. Il y a quelque chose. Et encore une fois, c'est pas forcément les passes annuelles qui sont visées. C'est comme tu disais, c'est Euro Disney. Les gens qui prennent des billets pour 2-3 jours, ils vont être contents. Enfin, complètement. Pas oublié. Et en plus, c'est bien amené. Voilà. Oui, c'est bien. Puis je pense qu'ils vont le retaper. Ils vont peut-être pas prendre le même. Est-ce qu'ils vont le retaper à chaque fois ? Ils le refont à chaque fois, ouais, je pense que. Ouais, mais là, cette année, c'est une année particulière. Là, on va dire qu'en temps normal, il n'y aurait peut-être pas eu le train. Là, ils n'ont pas le choix. Mais dans les autres années, c'était vraiment bien amené, je trouve. Oui, je suis d'accord. Mais oui. Et puis, Même s'il était déjà présent aux 15 ans et que j'ai vécu les 15 ans, quand il était de retour aux 20 ans. J'adorais quand j'entendais la musique qui annonçait que le train allait arriver et tout, c'était toujours un moment top, quoi. Donc, c'est pas un problème. Oui, t'en gardes un bon souvenir, toi, de ce train-là. C'est clair. Et parce que la musique, là, qui. Que... Et c'est, enfin, on s'est souvenu personnellement, mais je suis un peu de la musique. Mais quand on faisait la musique, t'étais content, tu courais voir le train. Enfin, c'était la musique qui te tiquait pour aller voir le train. C'est ça. D'accord. Et comment et du coup pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tu regardes bien la question qu'on te pose, quand on te dit quelle est ta saison préférée, t'as vu quand même que t'attaches une musique à cette saison-là qui fait partie de ta préférée. Et moi, je ne fonctionne pas de la même manière, tu vois. C'est-à-dire que mes musiques préférées, c'est des musiques qui sont liées. Alors là, c'est encore autre chose, mais c'est des musiques qui sont liées à une certaine part de l'enfance, en fait, tu vois. C'est un moment donné où j'étais petit, j'ai vu certains shows, j'ai été littéralement avec mes yeux d'enfant ébloui. J'ai acheté le CD, comme on en parlait, enfin, on m'a acheté le CD, j'ai écouté le show et j'étais limite là à le reproduire. Je me souviens qu'à la fin de certains shows, je faisais chier mes parents pour récupérer les confettis qui étaient jetés pour les relancer dans ma chambre. Enfin, il y a vraiment ce truc-là de... Sale gosse. C'est une vraie anecdote. C'est vraiment ce truc-là de nostalgie, quoi. Ouais. Donc coup, la musique, par exemple, dont on parlait avec Seth tout à l'heure, là, Magical Party Time, encore oui. Avec mon accent, c'est une musique qui m'a marqué, mais de ouf. Bref, voilà, tout ce qui est lié, en fait, à la nostalgie, c'est un truc qui me... Ouais. Et du coup, pour Seth... Pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne musique de saison, du coup ? Déjà, je voudrais juste rajouter pourquoi j'ai mis la saison de Noël en premier. C'est qu'au-delà de Disney, où j'adore la saison de Noël, je trouve qu'elle est bien foutue et tout ça, je suis un fan de Noël, déjà. Alors, ce serait bien d'arrêter d'avoir des points communs avec moi. Donc, et, je vous allez vous mettre en couple ? Mais non, mais je dis... c'est bien, Max. Je ne dis pas que Disneyland Paris est le meilleur parc niveau Noël et le plus décoré, tout ça. Mais n'empêche que mêler la magie de Noël, et... la magie Disney, moi, c'est bon. Mais c'est, bon. C'est quand même c'est un des seuls endroits en France où tu retrouves le Noël à l'américaine que tu retrouves dans les films de Noël, ce genre de truc-là. Tu alors, vois quelque part à l'américaine et quelque part aussi parce qu'ils ont amené aussi le... Enfin, comment la tradition. Ouais, la tradition française ou la tradition européenne dans ce parc-là. Ils ont mêlé les deux et je trouve que c'est super bien foutu, rien que pour ça. Mais vraiment rien que pour ça, moi je sais que j'ai des super souvenirs de tout ce qui est illumination du sapin, tout ce genre de choses. Mais complètement. Et je vais même aller à l'époque parce que... Qu'on n'a pas eu cette année. Et en show nocturne, Disney Illumination, bon, a fait un peu tâche parce qu'il n'y avait pas d'adaptation, mais Disney Dreams fête Noël. Oui. Alors, il a été critiqué parce que c'était un peu mon bien que Disney. J'avais pas eu la chance de voir. La narration. Eh ben ouais, mais moi je l'ai vu 50 fois. La narration était peut-être un peu moins logique, mais amener Noël sur un show nocturne, mais croyez-moi, c'était juste la magie. Et aujourd'hui, tout le monde le pleure. Comme quoi, il a été critiqué à l'époque, et aujourd'hui, tout le monde le pleure parce qu'il n'y a pas de show nocturne pour Noël en ce moment. Voilà. Surtout que Noël, le principe même de Noël, c'est les shows nocturnes, c'est-à-dire c'est les guirlandes qui brillent, couleurs, c'est le bleu, le couleur argent, rouge pétant, or. C'est ça, c'est... Moi, c'est surtout rouge, vert et... Oui, rouge et vert, par exemple. Imaginez pour un gamin de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe, qui voit le Père Noël défiler sur Main Street. Mais oui. Imaginez juste ça. Même si le Père Noël n'est pas un personnage Disney. Alors, je sais avec, si c'est... avec les personnages Disney autour, c'est encore plus beau. Mais... Je ne sais plus si c'était toujours présent, mais je sais quand j'étais petit, on pouvait le rencontrer vers le Chaparral Theater, là où il y a la ferme, en fait. Il y avait tout un espace où il avait aménagé qui était le coin du Père Noël et on pouvait justement les rencontrer. Ça, c'était génial aussi. Non, alors, aujourd'hui, c'était plus présent. Non, d'accord, c'est Mickey. Mickey, d'accord. Bah, merci mais c'est très bien fait. Il change le décor de Mickey dans l'esprit Noël. Et vous savez, dans la file d'attente, il y a des... Oh, c'est génial. Il y a des animés de Disney. Et bien là, c'est des animés de Disney au moment de Noël. Alors ça, j'adore parce que je les regarde tous les ans. J'ai une tradition. Je me fais les films de Noël de merde, déjà. Il était une fois Noël 1. Il était une fois Noël 2. Et ça, exactement. Et vous savez que pour rencontrer le Père Noël ou Mickey en tenue de Noël, il y a autant d'attentes que le reste de l'année pour rencontrer juste Mickey dans sa tenue habituelle. C'est pas étonnant. Vraiment. Mais oui, mais c'est magnifique. Il y a beaucoup de gens justement qui disent que, un peu comme toi, c'est au Disneyland, c'est période de Noël, quoi. C'est vraiment c'est Noël. Comme si ça choisissait un parc d'attractions pour aller à Noël. Quand j'étais petit, c'était mes parents étaient dans cette logique-là, on y allait quasiment tout le temps vers Noël, vers le Nouvel An. À l'époque. À l'époque où le Nouvel An était complètement gratuit et où le parc était ouvert jusqu'à 3h du matin gratuitement, il y avait un DJ et tout, c'était une période vraiment incroyable, ça aussi. Et je veux vraiment pas taper sur Halloween parce que j'aime bien la saison d'Halloween à Disney, mais c'est moins évident d'assimiler Halloween avec Disney. Ouais, ça commence à l'être quand même là. Ça commence à l'être parce que quand même, à Halloween, ils font carton plein à chaque fois. Ils font carton plein et quand ils font des soirées Halloween, tu sais, ils font des soirées pas sonnées Halloween, c'est toujours. Après, Halloween, c'est peut-être un peu moins évident dans le sens où c'est beaucoup moins démocratisé en France que Noël. Noël, c'est vraiment c'est mondial. Halloween, pour le coup, c'est là, c'est vraiment, vraiment américain, quoi, je trouve. Donc, Ouais. Et puis les enfants, ils vois très peu de personnes. Je sais que moi, je vois très peu de personnes fêter vraiment Halloween. Ça se perd un peu, quoi. Je trouve même tout ce qui est décoration, etc. Alors que Noël, tout le monde fait son sapin, décor, etc. Donc, c'est beaucoup plus, ça a plus d'ampleur, quoi. Ouais, puis la hype d'Halloween à Disney, c'est de voir des personnages qu'on ne voit pas ou quasiment pas le reste de l'année. Ça aussi, ouais. Et même le décor, toute la zone de Frontierland qui est redécorée là en coco, c'est... Ah oui, oui, non mais c'est très joli, hein, vraiment, c'est pour ça que je veux pas taper sur Halloween, j'aime vraiment beaucoup, hein, mais à choisir, ouais, Noël. Après, tu vois, entre les deux saisons, je sais pas si j'aurais pas des souvenirs plus durs justement d'Halloween et tout ce qui est lié aux hommes citrouilles à l'époque. Ça, c'est vraiment... Ouais, les hommes citrouilles. Ouais. Oui, sauf que ça fait 10 ans que je vois les hommes citrouilles, donc... C'est... Non, mais maintenant, c'est surtout les fantômes. Oui, c'est vrai qu'il y en a partout. Et ça fait pas mal d'années qu'ils y sont, donc à voir si dans les années à venir ils vont peut-être changer les choses, on va voir. Peut-être. Après, voilà, ils peuvent pas faire certaines choses. Hein. Ouais. Halloween, c'est les citrouilles, Noël, c'est les étoiles, machin, oui, c'est toujours pareil, mais c'est normal. À savoir, pour revenir à Noël, qu'il me semble qu'il y avait une parade nocturne qui devait arriver, qui, du coup, avec le Covid, n'a pas pu venir, mais oui. Nocturne, oui. Qui pouvait aussi défiler de jour, mais qui était complètement adaptée à la nuit, quoi, qui devait arriver, une nouvelle parade. Donc, à voir quand on pourra découvrir ça. Et puis, je rajouterais, puisque c'est le thème musical, les musiques de Noël. Oui, complètement, on va revenir aux musiques. Bah, c'est quand même, les musiques de Noël, ils jouent les chants traditionnels, hein, on les entend. Halloween, c'est moins traditionnel pour nous. Oui, et à savoir justement que Noël, sur Main Street, le loop audio est modifié, c'est plus le même, c'est les musiques de Noël. C'est plus le même. Complètement. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais là, pendant la période de Noël, sur leur chaîne YouTube, ils ont sorti 8 heures, un loop de 8 heures de chants de Noël qui passe à Disneyland Paris. Oui, sur la chaîne YouTube. Et du coup, je sais que à chaque fois que je fais tu mon pouvais sapin, le mettre sur ta télé en écran de fond, tu avais la vue sur le château et tu avais la musique de Noël pendant 8 heures qui tournait. Je sais qu'avec mon père, on a cette tradition de, à chaque fois qu'on fait le sapin, on met en fond le loop justement audio de Main Street de Noël. Quoi. Et vous parlez de loop, j'ai le souvenir de la saison du printemps, donc Spring into Swing, je crois. Oh, le coquin, il reste dessus. En parlant de loop, on entendait les oiseaux gazouiller et tout ça dans Main Street. C'était vraiment... C'est comme les fantômes pour Halloween. Pour Halloween, complètement, ouais. Ok, mais ça, tu vois, je savais pas, je l'avais même pas... Ah oui, réellement. Ouais. Il est fixé sur... Alors, si vous entendez, ramenez la saison du printemps. Spring, voilà. Ramenez ça, on veut voir les Aristochats, tout ça. Ramenez-nous. C'est marrant, on n'a même pas cité les saisons Marvel ou autre, c'est marrant. Mais oui, partout au studio, faisons un détour au studio, allons-y. Allons-y, oui. Bah, on a parlé un petit peu du studio tout à l'heure. Bah là, pour le coup, c'est vraiment des musiques qui viennent des films, quoi. Là, c'est pour le coup. Et... Après, ça, c'est moins la saison météo, de l'année. Alors, c'est la saison des films. Il y a quand même. Il y a quand même des soirées. Alors, c'est pas des saisons, mais des soirées qui se déroulent à studio et dont Jazz in Paris, je crois que c'est ça. C'était là, c'est avec tout ce qui est Wheel of Jazz, les albums qui étaient sortis. Et il paraît que c'est très bien. Ça, j'aurais beaucoup aimé la faire parce que bon, ça c'est hors Disney, mais j'aime beaucoup le jazz, donc j'aurais adoré ça faire ouais, ça. Il paraît que c'est très bien la musique. Après, faut voir, mais c'est vrai que bon, Disney Studio, c'est généralement musique de film, hein, Les saisons en tout cas, ouais. Oui, pour les saisons, oui. Bah oui, parce que. Quand tu as la saison Star Wars, c'est Star Wars. Star Wars. Quand c'est Marvel, c'est généralement les mêmes musiques Marvel. Enfin, c'est Captain America, c'est Iron Man. Ah, voilà, c'est des très bonnes saisons, mais un peu plus clivantes quelque part. Quand même. C'est Disney Love Jazz. Voilà, c'est les saisons licence, quoi. C'est ça. C'est ça. Et je dis pas que c'est nécessairement négatif, mais c'est différent. C'est pas la même chose. Oui, complètement. C'est pas négatif, hein, du tout. Mais c'est pas du tout. Et c'est Disney Love Jazz. Et c'est là où il... Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est une soirée musicale sur qui emporte le jazz. Et il transforme la scène, tu sais, qu'il y a sur la grande place, là, il la transforme en, en scène avec des musiciens, etc. Mais ça me fait penser qu'ils composent même parfois, alors c'est quand même assez rare, mais des musiques pour les soirées. Je pense notamment à la Fan Days qui avait eu lieu il y a quelques années de ça. Là, vraiment, pour une soirée, il y avait eu des compositions de musique, des trucs inédits. C'est assez fou, quoi, à quel point ils vont jusqu'au bout dans la démarche. Clairement, oui, clairement. Il faut qu'ils continuent comme ça. Ça fait partie de l'immersion à un temps donné, vraiment. Et maintenant, on verra. C'est-à-dire que là, vu que tu vas avoir... bon, le parc Marvel, on en a parlé, mais tu vas avoir le parc... Le Land Frozen, on va voir ce qu'ils vont sortir. Est-ce que c'est de la musique traditionnelle inspirée Ça, j'aimerais beaucoup. Inspirée norvégienne. Est-ce que ça va être la musique en loop de. Oui, il y a une question à se poser. Parlait de Marvel. Pour Star Wars, est-ce qu'ils vont prendre le même parti pris qu'aux États-Unis de ne pas mettre de musique, mais tout un sound design avec les vaisseaux qui passent au-dessus et tout? C'est vraiment plein de choses. Autour du lac, quelle ambiance on va avoir musicale aussi, c'est vraiment. Ouais, complètement. C'est ça. Parce que c'est toujours la même question. Est-ce que on va avoir une immersion musicale identique dans le parc principal avec des transitions assez douces quand tu vas passer du Marvel à la Reine des Neiges? Est-ce que c'est pas la même ambiance, tu vois, c'est pas la même salle, pas la même ambiance. Moi, je suis très curieux de ce qu'ils vont faire vraiment. Là, je viens d'y penser, ça vient de me sauter aux yeux, c'est la musique qu'ils vont utiliser juste autour du lac, là où il n'y a pas de land. Je suis vraiment très curieux de ce qu'ils vont faire à cet endroit-là. Un truc plutôt paisible, sûrement, ou je ne sais pas, ou pas de musique. J'en sais rien. Je les vois mettre de musique, parce qu'il y en a vraiment partout, comme on le disait avant. Surtout qu'ils l'avaient vendu un petit peu comme le lac faisant partie du Land Frozen, donc musique norvégienne, mais en même temps, un moment nature qu'il manque aujourd'hui au Walt Disney Studio. Donc comment ils vont l'ambiancer, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. C'est le grand mystère, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est neuf, qui va arriver, qui est neuf. On a toujours dans le grand parc les landes traditionnelles, etc. Et là, on va avoir quand même trois nouveaux landes. Et c'est reste le mystère en fait du loop. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être le mystère de les musiques d'attraction. Ça va être plein de mystères là. Donc et surtout, comme tu dis, il y a un lac qui va être fait. Est-ce qu'on aura une musique autour? Bon, normalement, oui. Oui, vraisemblablement. Je pense. Hein. Et il y a aussi un spectacle qui est prévu sur le lac du Disney Village. Rien d'annoncé, mais c'est évident, oui. Oui, oui. Et si, pour le janvier 2022, non? Ils ont pas annoncé. Je croyais que tu parlais vraiment du lac des studios qui allait. Non, je parle du lac Disney Village. Ok, oui, je vois. Les trois dates, Le grand mystère, ça va être quoi la musique, quoi? À moins que vous connaissez, vous, mais. Aucune idée. Non. Aucune idée, quoi. Donc, lac Disneyland, c'est. Très attaché à la musique. C'est vrai qu'on n'a pas cité le village depuis tout à l'heure. Electroland. Le village a de la musique, oui, carrément. T'as Electroland. T'as Electroland, t'as plein de... Très bien, c'est très bien de citer ça aussi. Ouais. Electroland, où tout le monde veut y aller, mais généralement, il n'y a pas grand place. T'as Disney Love Jazz, on disait, t'as Fan Days, tout tourne autour de la musique. Mmh. Voilà. Donc, L'ADN de Walt, à la base. Oui, pourquoi tu dis l'ADN de Walt? Alors on recommence. Alors, le premier qui prononce les mots. Non. Mais non. Bengi, je te retire tous tes points. Allez hop. Oh zut. Merci. C'est faux. Mais non, c'est vrai que. Et Disney Village aussi. Et tu sais qu'il y a une radio Disney Village? Oui, j'ai une radio Disney Village. Une radio Disney Village qui est pas mal d'ailleurs. Donc, si vous voulez retrouver, alors je l'ai déjà dit, c'était quoi le nom du site, mais je vous invite à aller sur Disney. Alors, c'est Disneyland-Paris-.net, je crois que c'est ça. Et en fait, je le mettrai en description pour ceux qui veulent aller voir. Et il est vraiment, vraiment bien ce site parce que tu as le plan, en fait, t'as le parc en plan. Ah, c'est génial. Et tiens, je voudrais la musique de Frontierland. Tu cliques sur la zone de Frontierland, ta musique de Frontierland. Tu veux la musique de Phantom Manor, tu cliques sur Phantom Manor. Tu veux la musique de Discovery. Donc, c'est Disneyland-Paris-musique.net. Voilà. Et t'as même la musique des restos, les musiques des hôtels. T'as vraiment tout, quoi. Et c'est très agréable. Et quand on y pense, même, après, on va conclure, mais. Même au niveau des boutiques, il y a des bandes qui sont moins longues qu'une heure, mais qui sont composées. Donc sur ce site-là, il y a même les bandes son, les bandes. Tu vois, regarde, c'est con, mais quand on a tous vu des youtubeurs aller retourner à World of Disney. Là. Mais attends, mais oui. Le premier réflexe qu'ils ont tous eu, même ceux qu'on connaît, c'est de dire oui. Ah, ça fait du bien d'y retourner pour la musique. Oui, parce que retrouver oui, la oui. musique, l'ambiance, carrément, c'est ce qu'on a entendu. Je suis d'accord. Ah, oui. Tu n'entends que ça. C'est pas on est content de dépenser de l'argent. Bon, personne surtout que j'adore content. La musique vraiment qui ouvre le visage. Mais c'est là que tu dis, c'est fou quand même. À quel moment on va dans une boutique pour reconnaître la musique? Jamais, normalement. Il n'y a qu'à Disneyland Paris qu'on ressent ça, réellement. Et t'as envie de rester rien que pour la musique? Mais oui, la mais plupart oui. Des gens qui ont été là à Walt Disney, ils sont restés vachement longtemps parce que retrouver l'ambiance Disney, la musique. Ah, mais moi, je pourrais passer une journée posée juste au Fantasia Garden à écouter. Comme ça, les réorchestrations de chansons Disney qui sont un peu, je trouve, dans un ton un peu plus nostalgique. Oui. Ouais, non, vraiment, c'est... Je parlais tout à l'heure des hôtels, mais ouais. Si vous vous posez à Disneyland Hotel, la musique, c'est super. Oh, il y a des musiques oui. De Mary Poppins, tu sais, en version... Alors, on va voir comment etc. ça va évoluer, mais ouais. On va voir comment ça va évoluer, mais tu y vas dedans, tu te poses. Voilà, tu te poses, t'écoutes, t'as la musique de Mary Poppins, t'as It's a Small World aussi. Là, malheureusement, on parlait du changement du Disneyland Hotel. Je pense que pour le coup, ce sera un changement surtout musical qui ira vers les princesses. Bah, si on veut coller au projet qu'ils ont. Oui, ce serait dans la logique, ouais, complètement. Oui, je pense. Oui, c'est moi, ça. Alors voilà, j'en parlais sur un live qu'on avait fait avec Ced et Mike, donc de la Team Magic Live. Donc, on vous en reparlera ou vous aurez encore une fois les liens en description. Je suis très curieux de voir comment ils vont transformer le Café Fantasia en fait. Qui oui. Pour le coup est vraiment tu un café crois, qui est, transformer je pense oui ça serait logique et qui est vraiment un café qui est bah, pour le coup en plein dans le thème de la musique hein, puisque bon c'est Fantasia, vous avez les partitions justement de musique qui sont en papier peint sur le mur, vous avez ce qui tient les lampes, c'est des saxophones, c'est vraiment ouais. Et c'est un endroit où j'aime beaucoup me poser, donc à voir comment ils vont le transformer aussi mais... bon, ah. Ça c'est un autre débat, on sort de la oui. Musique mais c'était la parenthèse. Ouais mais c'est intéressant comme j'ai vu sur certaines vidéos de certains youtubeurs et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir un petit peu, on enlève cette année un peu bizarre et les dernières années je trouve qu'il y a eu un peu moins de groupes à jouer dans le parc ou dans alors, les restos ou ailleurs. Petite information, alors je sais pas s'ils vont les réembaucher un jour mais tous les groupes justement qui sortaient dans les parcs. Il y a un certain temps de ça ont été carrément supprimés en fait, ça a été vraiment mais une chose qui a été faite officielle, ils n'y sont plus et je trouve ça tellement dommage. Alors, sur surtout Street. Quand tu vas au Cowboy Cookout avoir le bon le la bon voilà la bonne musique country du, avec de, le banjo de... Ah oui, tu dis là te dire que tu le retrouveras peut-être pas, ça fait un peu mal au cœur parce que c'est ce qui fait l'ambiance quand même de ce restaurant. Mais rien que dans l'entrée du parc au niveau du gazebo, le piano et tout ça, enfin, il y avait plein de choses avant hein, franchement par contre. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le troisième défi, comme je viens de le dire précédemment? Nous sommes prêts pour le troisième défi, comme tu l'as dit précédemment. Le défi. Moi, je ne sais toujours pas, comme tous les défis. Le défi. Alors, ouais, on va arrêter de jouer au menteur 30 secondes. Vous qui nous écoutez, ce défi-là a été enregistré avant le deuxième défi. Donc là, ce que vient de dire Seth, c'est n'importe quoi. Surtout qu'il est hyper chaud pour gagner là. Voilà, voilà. On va voir. Donc ce troisième défi, il est complètement inédit. C'est du jamais vu chez Max et Benji. Je vais vous passer une bande audio que j'ai montée moi-même, dans laquelle il y a trois chansons de show. De show. De show de saison. D'accord. Okay. C'est à travers toutes les époques. Il y a trois d'accord. Chansons qui vont en fait se mixer. Vous allez le voir en fait. Par exemple, ça va passer à la chanson 1, ensuite la 2 et la 3, mais plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est okay. Mélangé, j'ai mélangé les bandes audio. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez vite comprendre. Compris. Tu l'as joué à la David Guetta. Merci. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, vous en avez une chacun. Donc, c'est chacun son tour cette fois-ci. Et en fait, c'est sur trois points. Si vous avez une chanson, c'est un point. Deux chansons, deux points. Et trois chansons, trois points. Puisqu'il y a trois chansons par piste audio, en fait. Voilà. Ok, et il faut le titre ou la parole ou le chant alors ou là, je vais être indulgent si tu as le nom du. Enfin, si tu me dis. Si par exemple c'est le show de comment le festival de la Reine des Neiges, et que tu me dis que c'est le festival de la Reine des Neiges, c'est bon quoi. Ok. D'accord. Voilà. Okay. Je vais pas être trop précis parce que les musiques des fois c'est des titres un peu voilà farfelus. Oui. Ok. Qui veut commencer? Non, aux invités d'abord. C'est vrai, les invités d'abord. J'allais dire un Shifumi, mais en podcast c'est compliqué. Ced, j'aime beaucoup ton mix. J'espère que tu vas l'aimer aussi. J'ai fait voilà, je me suis fait plaisir un peu là, ça on va un peu avoir de la nostalgie etc. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Donc je vais laisser dérouler et à la fin, ben je te demanderai en fait quelles sont les chansons. Ok. Et voilà. C'est dur. Est-ce que tu as bien... J'en ai que 4, moi. Est-ce que... Il y en a 3 dedans. Il y en a 3. C'est ce que je dis. Oh là là là. C'est très dur. Est-ce que, déjà, tu as bien entendu les chansons? Il n'y a pas de problème. J'ai très très bien entendu. Okay. Maintenant, je ne me rappelle pas les avoir entendues en vrai. Dis-tu... Alors, moi, je pense que tu les as toutes entendues. Oui, mais... Tu es un vieux de la vieille, comme moi du parc, tu les as toutes entendues. C'est ça, mais là... Est-ce que tu en as au moins une? Il y en a une au moins, c'est sûr. Il y en a une qui est évidente, qui est... Ouais. Donc, je vais rien dire, mais elle est évidente. Oui, oui. Alors, il y en a une que je connais. Bah, la deuxième qui est passée dans ton mix et elle est repassée un peu plus tard. Mais... celle-là que je pensais, tu vois, mais... C'est la troisième, je pensais. Oui, c'est la troisième aussi que je... Alors moi, c'était la deuxième, mais j'arrive pas à la resituer. Et c'est dramatique. Est-ce que, déjà, avec les sonorités, tu peux pas te dire c'est telle ou telle saison? La troisième, c'est peut-être saison de Noël. Alors, il y en a une qui est saison de Noël, c'est pas la troisième. Deuxième ou troisième? On a eu. Peu importe de l'ordre, en fait. Ok, bah je dirais. Pour moi, c'est la deuxième saison de Noël. Oui, alors c'était Chante, c'est Noël, qui était une chanson de parade de Noël, en fait, d'époque. Ouais, alors je connais le refrain, c'était pas le refrain que tu as passé. Non, justement, j'ai fait exprès de pas prendre les refrains pour pas que ce soit évident. Alors, on est d'accord. Ok, dans ces cas-là, ok. Donc, est-ce qu'on donne le point? Oui, c'est Noël. Oui, on donne le point. Donc, un point. Est-ce que tu en as une autre? Est-ce qu'il y en a une où c'est l'anniversaire de Mickey? Non, pas du tout. Ok. Alors, attends, je vais l'aider quand même. Il y en a une. Ma fille a appris la choré sur point, YouTube. Hein, non, non. Et elle a vu la choré sur YouTube et quand la saison est passée, elle n'en pouvait plus, quoi. Ouais, là, si tu le rates, je ne te donne pas le point. Je veux dire, tu n'auras pas une deuxième chance, sinon c'est de la triche. Je pense que j'aurai qu'un point sur les 3, tu vois. Vas-y, tu sais pas. Ah non, mais Je te donne les deux autres ou tu essayes? Ouais, je vais te dire honnêtement. Du coup, Noël, on est d'accord, c'était la deuxième. Je sais pas si tu te rappelles du coup. Oui, c'était la deuxième. Et ben les deux autres, je me rappelle pas les avoir entendus. Alors, donc la première, c'était It's Halloween, Halloween. Donc c'était. Oh là là. Iconique, du parc, toute mon enfance aussi, qui était un peu partout sur le parc Halloween. C'est honteux. Parce qu'en plus, quand je l'ai fait, je me suis dit, Ced, ça, il connaît. J'étais sûr que tu connaissais. Mais bien sûr. Mais honteux. Et donc la dernière, c'est Pirates et Princesses. Avec les battles sur Plaza. Et même dans les paroles, tu pouvais un peu deviner parce que c'est enfin bref, c'était. Pirates des Princesses, j'y suis allé qu'une fois, j'ai pas accroché sur la saison, je suis pas resté dans les shows donc je l'ai pas retenu. Okay. Mais Halloween, je reconnais son truc. Donc on est à 1 point sur 3. On va voir si Benji. Je serais pas mieux. Vas-y, peut-être. Je sais plus, tiens, j'ai moi-même oublié le tien. Tiens, qu'est-ce que je t'ai mis? Comment je t'ai mis 3 fois le même, ça se trouve, tu sais. Le tien, il est. Oh putain, le tien. Benji, bonne chance. Es-tu prêt? Oui, bah. Moi, on va voir. Tu vas en avoir une des trois, c'est sûr. Voilà, je peux te dire, vous allez au moins être à égalité. C'est bon? En tout cas, il est bien ton défi là. Il est kiffant. Ouais, j'adore. Ouais, très bon, franchement, il est trop bien. J'adore. Ouais. Merci. C'est trop bien. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, il y en a un, j'en suis sûr, c'est le Jungle Boot Jive. Exact, c'est bon. Ah. Oui. Vous êtes, donc, vous êtes à égalité pour le moment. Il y en a un, je suis pas sûr. Il y en a la parade d'Halloween. Alors. Avec le fouet. Oui, c'est le showstop. Donc c'est là, c'est quand il s'arrête en fait sur Central Plaza pour la célébration d'Halloween. Il l'avait pas. Je l'avais pas. Non, je l'avais pas. Je n'ai, voilà. Je donc, c'est pas la musique de la parade qui est Vive la vie pour le coup. Non, parce que là, j'ai tiens, c'est ça en fait. Non, mais c'est assez inspiré. Mais alors l'autre avec le machin où elle dit Véry touché ou je sais pas quoi là, ça me dit quelque chose. Mais la première, c'est la première qui passe, c'est ça. Ouais. Oh, c'est une de mes préférées à Disneyland Paris. Hein. Donc, non, sans blague, il n'y a pas cette vidéo de Paris. C'est, t'es en train de me dire que t'aurais eu ce mix-là, t'aurais gagné. Oui, ouais, mais il a pas j'avais eu, les trois, honnêtement. Donc il a perdu. Non, mais je suis là, par contre, j'ai la rage. Alors, le premier, allez, parade des 25 ans. Non, pas du tout. C'est Christmas is Here, donc avec ce magnifique accent. C'est la parade de Noël, mais la plus récente, celle qui était encore en activité. Oui, d'accord, ok. Bon, rien à voir. Désolé pour tous les auditeurs, si vous pouvez vous moquer de nous. Voilà. En fait, cette chanson-là, je l'ai tellement entendue, c'est que à la fin, tu sais même plus où elle est. Et trop bien ton défi. Bah merci. Et franchement, il est trop bien. Ouais, vous êtes à égalité. Tu peux le décliner avec les attractions, avec les loops et tout. C'est trop bien ton défi. Il est trop trop bien. Bon, en tout cas, vous pouvez vous serrer la main puisque vous êtes à égalité. Je te serre la main. Je serre la main de loin. Distanciation, attention. Distanciation, ouais. Bien sûr. Bon, bah, je pense qu'on a fait un beau tour là, de tout ce qui est musique sur le parc. On a parlé de tout, hein, littéralement. Les loops d'ambiance, on a parlé des attractions, on a parlé des boutiques, des restaurants, même des bandes qui jouaient avant sur le parc à certains endroits. Donc, Ced, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience du podcast et de ce sujet-là? Qu'est-ce que tu en retiens? Incroyable, juste incroyable. Et le fait d'évoquer certaines choses, surtout au moment où on tourne ce podcast, où le parc est encore fermé, ça nous donne envie d'y être. Ce que j'adore avec ces podcasts, c'est qu'à chaque fois, mon objectif, ce n'est pas d'être dans l'analyse, mais dans une immersion où nous-mêmes, on se replonge dans des souvenirs, etc. On en parle sans vraiment qu'il y ait de trucs construits. C'est vraiment au fil de la discussion et c'est ce qui fait que c'est top, quoi. Non, mais rien que pour ça, c'est déjà merci Max, merci podcast. Il faudrait faire un podcast pour retour, la réouverture du parc, du coup, maintenant. Non, mais même si le parc ne serait pas fermé, je me dis, mais c'est à un moment où on ne peut pas y aller pendant X raisons, on y est. Ouais, on y prend. On prend notre exemple à tous. Moi, j'habite dans le sud de la France. Vous habitez aussi pas tout à fait à côté du parc. C'est ça. Non, on y est et c'est là qu'on se rend compte que même une musique nous rappelle nos bons moments à Disneyland Paris, passés ou futurs. Vraiment. Oui. Juste les moments. Vous avez apprécié de nous avoir entendu parler de. Oula, je ne sais plus parler français, il est tard, les amis. On finit d'enregistrer à minuit, sachez-le. Et j'espère aussi que vous avez apprécié la présence de musique justement dans ce podcast, puisque bon, on a parlé de musique, mais je vais essayer tout au long du montage, comme ça, de vous mettre les musiques dont on a parlé, etc., de faire des coupures musicales. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu. Ced, où est-ce qu'on peut te retrouver encore une fois? Donc toujours sur Insta, donc Cedream, donc C3 Dreams, quand même le dire Max, voilà. Ou Benji. Donc Cedream, et c'est le même nom, que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube ou autre. Voilà. Dites-nous sur Instagram ou Twitter si vous prononcez Cedream ou C3 Dreams. Ouais, faudrait voter C3 Dreams parce que c'est bien C3 Dreams. Voilà. Ouais. C'était la première et dernière fois que vous m'entendiez sur des podcasts. Tu reviens. Alors, la question qu'on pose tout le temps avec Max, c'est est-ce que si jamais on te reviendra ou pas? Voilà, est-ce que tu reviendras? Sans être faillot, et je ne dis pas ça parce que je les connais un petit peu en dehors, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment bien construit. C'est ma première expérience en réel sur un podcast entier aussi long. Dépucelé par Max et Benji. Franchement, merci beaucoup. Je suis vraiment content quand les gens comme ça découvrent ce format-là. J'étais stressé, hein. Voilà. En tout cas, vous l'avez vu, on a tenu notre promesse. Je n'ai pas fait une pause de 2 ans entre les deux podcasts. Et vous pouvez m'applaudir, franchement. Ah oui. Franchement, j'applaudis. Je ne sais pas si ça s'entend, mais j'applaudis. Voilà. Merci. Et on vous promet que le troisième ne sera pas dans 2 ans non plus. En tous les cas, merci encore. C'était vraiment passionnant. C'est très construit. Franchement, le mot, c'est passionnant. Voilà. Merci à toi. Alors, juste pour dire, c'est que en coulisses, c'est que en fait, quand il y en a un qui lance un thème, il fait le forward, il fait la ligne directrice du podcast. Et du coup, ça aide pas mal, en fait. Il y a un travail en amont qui est fait quand même de plusieurs heures. Et derrière, il y a bravo à toi, Max, qui fait tout un travail au niveau du son, qui incruste la musique. Et c'est incroyable. La réalisation. Même à vous de redécouvrir le podcast après. C'est vrai que quand on se réécoute après, c'est différent. Nous, on va vous dire à la prochaine. Encore une fois, pas de date. C'est vraiment à l'envie. On enregistre à l'envie quand il y a un sujet qui nous plaît, quand il y a des invités qui nous plaisent, etc. Donc, on vous dit à la prochaine. Céd, on te laisse le mot de la fin avant d'apprécier la célèbre musique. Je le redis, ce mot-là, passionnant, vraiment passionnant. Et j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont été aussi passionnés que nous, de découvrir ou redécouvrir les musiques, que ce soit dans les parcs, dans les films ou dans les saisons. Voilà, tout simplement. Donc, merci encore. Ben, merci à toi, c'était ton mot parfait. De la fin, c'est ça ? C'était parfait. Et voilà. vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs. Voilà. Oui, toi aussi. T'inquiète pas. Allez, des bisous tout le monde. Merci bisous, encore. Bye.